dance no more. Devra désormais inscrire la 7e saison de Koé sur IRJ. Il est de retour, encore plus fou et plus beau aussi, faut bien l'avouer, avec son équipe de dingue. Julie et ses 7 stagiaires virés, Pietre et ses 7 ans, Guéguette et ses 7 rangées de dents, Loris et ses 7 arrestations, Mika et ses 7 secondes, et Stouff et ses 7 seins. Quoi ? Elle en a que 2 ? J'aurais dit plus. Préparez-vous à une saison mémorable. Attention, je déclare cette nouvelle saison ouverte dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, balance le générique. J'espère que vous avez bien kiffé cette journée, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Ça va le public ? Ouais ! Moi aussi ça va, ça a été une journée intense et elle n'est pas finie. Bah, c'est la rentrée en même temps. Hein, pour et elle n'est pas finie, c'est la... Ah oui, bien sûr, oui. J'espère que vous nous direz comment s'est passée cette rentrée. Ah oui, bien sûr. SMS 612 en mettant quoi au début de votre message. Aujourd'hui, demain, ou sur Twitter ou sur notre Facebook, allez dans messages, tiens, je vais lire les messages sur notre Facebook Koé officiel. Racontez-moi comment est la rentrée, je vais lire plein de vos messages, comme ça, ça va me faire plaisir. Bon, ça va, donc moi ça va aussi. Ah bah, bah, il fait beau, j'ai regardé. T'as l'air heureux, dis donc. Ouais, c'est bien, je suis content. Ouais, il y a des jours comme ça, on est content, on est bien. Et je me dis que ce soir, le double 8 peut tomber. Et je me dis que l'un ou l'une d'entre vous aura peut-être l'iPhone 7 avant tout le monde grâce au pack énergie. Ouais. Vous aurez l'iPhone 7 et un MacBook Air. C'est un truc de dingue. Au 611-12 en mettant Koé au début de votre message, dès que vous entendez DJ Snake enchaîné avec Justin Bieber ou Justin Bieber enchaîné avec DJ Snake et Justin Bieber. En bref, Justin Bieber dans ses œuvres. 611-12 par SMS en mettant Koé au début de votre message et vous repartirez avec l'iPhone 7. C'est bon, non ? Ouais, grave. Ça va, ma Julie ? T'es en forme ? Oui, je suis là. Tout va bien ? Ouais, ça va. Bon, Pietre, très beau, très belle veste, Pietre. Ouais, ah, ouais, il a sorti la marinière c'est et tout. C'est les 30 ans de la maturité. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est les mecs, ça, c'est les mecs qui s'approchent de 22, 30 ans. Moi, j'en ai 29, ouais. C'est pareil. C'est la maturité. Ouais, il est en beau gosse ce soir. Ça va, mon guéguette ? Ça va très bien. Ouais, moi aussi, toute l'équipe va bien. Passez-nous un coup de fil. 0870 42 48. C'est gratuit. Moi qui suis, hein. Ouais, les autres s'en branlent. Il y aura Stouff, il y aura Mika que vous aurez au téléphone. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez, faire ce que vous voulez dans l'émission. Aujourd'hui, nous aurons un super jeu. Nous aurons questions pour Aïeuf. Ça vous a fait rire. Bien ça. C'est d'appeler, de faire gagner des personnes âgées au hasard en France, oui. En leur faisant reconnaître le plus possible des expressions de jeunes. Oui. Ceux qui reconnaissent le plus des expressions de jeunes peuvent gagner. Il y aura un beau dossier tout à l'heure qu'on fera sur la coloc. Ouais. peut nous raconter un peu si vous avez été en coloc, si vous allez être. Surtout à la rentrée, là, ils rentrent dans des nouvelles universités. Si vous galérez, si vous avez du mal à trouver, si vous avez eu des colocs un peu chiants. Et tout à l'heure, on aura une petite jeune fille, si vous avez suivi la télé-réalité que vous connaissez, qui s'appelle Capucine. Ouais. Qui viendra parce que voilà, on fera un truc sur, sur les colocs. Elle a une web série qui va sortir sur les colocs. Donc on en parlera avec elle. On aura, on aura plein de trucs ce soir. On va le lancer le premier. Ah, on est obligé. On va lancer. Ah, vous avez vu qu'il y a les Pokémon Go. Oui. Pokémon Go, c'est le truc. Qui le fait dans le public là? Soyez francs. Allez, qui joue au Pokémon Go? Ah ouais? Ah, quand même, hein? Ouais, pas tant que ça non plus dans le public. Hein, mais il y en a beaucoup. Eh bien, ce soir, nous allons réaliser votre rêve. Ce soir, avec le hashtag Koé Pokémon Go, si vous le mettez en TT, on va lancer le vrai. Oui. On va lancer le vrai Pikachu. Oui. Et là, faudra pas le choper avec des Pokéballs que vous aurez eu à un Pokéstop. Non. Faudra le choper en vrai, quoi. Faudra le choper en vrai. Ouais. Pour cela, c'est Loris, le dresseur de Pokémon, qui partira. Sacha Loris. À 19. Sacha Loris. Ouais. Pardon. Parce que c'est qui Sacha partira. Loris, ah merci Julie. J'explique pour ceux qui connaissent pas. Je suis désolée. Qui sortira tout à l'heure, qui partira d'énergie à 19h30. Ouais. Et qui ira dans plein d'endroits dans Paris. Ouais. Il faudra le suivre. Oui. Vous qui nous écoutez, etc. Et si ça bien marche bien, on le refera dans d'autres villes de France. D'accord. Et si vous chopez à un moment donné. Ce qui nous donnera des indices, en fait. Oui, il va poster des indices, on l'aura par téléphone. Il vous dira au fur et à mesure des indices, etc. Moi, je vous donne un conseil qui est de le suivre d'énergie. Oui. C'est plus malin. Oui, parce qu'il part d'ici. Hey, il part en Vélib, donc vous pourrez le suivre tranquillement. Ouais, ça va aller. Bah, on n'a plus de budget. En Vélib. Oui, parce qu'on devait être un taxi, mais je t'en parlerai. Mais Sacha, il est en vélo, je crois. Là. Oui, il est en vélo. Il est pareil, on est pareil. Donc, et vous le suivez, et à un moment donné. Il y aura le vrai Pikachu en physique, dans la rue. Et si vous le chopez, il aura pour vous, dans les bras, des PS4. Ouais. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ce sera toi dans le Pikachu. Ouais, c'est toi dans le Pikachu. Ah tu crois que c'est si facile que ça? Non, on n'avait pas dit ça. Bah, ah bah si. Bah non, qui sera là? Eh ben nous, on sera là. On sera là. Bon, j'avoue que c'est pas très rassurant, mais on sera là. C'est moi qui vais être en Pikachu. Ah bah ouais. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Du coup, faut attraper. Moi, Sacha, je vais te libérer. Dans la ville de Paris, déguisé en Pikachu. Il est en premier dog, Loris. Les premiers qui t'attrapent gagnent des PS4. Ouais. Et des vrais, parce qu'on les aura. Des vrais PS4, oui. Ouais. Riez pas dans le public. Enfin. Tu vas être bon en Pikachu. T'as fait un régime, regarde, ça servira à rien. On verra pas. Et vous pourrez pas l'entendre, parce que c'est un vrai Pikachu. On voit même pas ta tête. C'est vraiment rien. Pikachu, oui. Mais alors, comment on saura que c'est. Que c'est quoi? Bah, tu seras en dessous. Mais la règle du jeu, ce sera quoi? Ah, ben c'est qu'il faut t'attraper. Mais une fois qu'il m'a attrapé, il va gagner ses PS4. C'est les deux premiers. Donc quand tu vois des gens qui te courent après, tu te pars en courant. Si t'arrives à courir. Si t'arrives à courir. Ouais, c'est non, drôle. T'arriveras pas à courir. Ah si, ça serait drôle qu'ils courent. Vous voulez pas qu'on lui mette des rollers en plus? Mais bien sûr. Tu sais quoi? Et puis tu mets de l'huile par terre et des morceaux de verre pilé au cas où c'est je tombe. C'est rigolo, tu te casses la gueule. Bah oui, c'est bien. Bon alors, ok. Mais d'abord, première étape, il faut que le hashtag Koé Pokémon Go soit entêté. On va le faire tourner là, tous. D'accord. Et s'il est entêté, c'est bien. On fait un petit bisou à Maïva. Ça va, Maïva? Ça va très bien, Coco, et toi? Mais oui, ma belle. Alors, c'était ta rentrée? Ouais, c'était aujourd'hui. Bon, et alors, vas-y, raconte. Bah, ça s'est super bien passé. J'ai tous mes potes de l'année dernière. Ah, c'est bien. J'ai des bons horaires parce et des bons profs. J'ai passé des coups de fil. J'ai dit, s'il vous plaît. C'est grâce à toi. Est-ce qu'elle pourrait avoir ses potes? On m'a dit, ouais, pas de problème. Demain, on fera un truc, on va checker le bahut. Ouais. C'est un nouveau truc qu'on fera maintenant, ça va s'appeler Koé Check ton bahut. Et en fait, on posera une série de questions peut-être à votre lycée, inscrivez-vous à koé@energie.com. On fera votre lycée et si jamais votre lycée a toutes les bonnes références et le nombre de points nécessaires, il aura le label Koé. Ah, un label de qualité. Et un label de qualité, parce qu'un bahut qui a le label Koé, les gens diront ah oui, c'est bien, on va bien travailler là-bas. Et peut-être qu'on se déplacera dans votre lycée du coup. Mais bon, c'est pas les mêmes critères que l'éducation nationale. Ah, ils sont un peu plus fun. mais on fera ça demain. Bon, écoute, ça me fait plaisir en tout cas, Maëva, tu restes avec Merci. Nous jusqu'à minuit. Moi, je suis contente que vous soyez de retour en tout cas. Jusqu'à 22. Mais tu peux continuer jusqu'à minuit derrière, hein. Tu continues jusqu'au temps que tu veux. Ne ris pas, pourquoi c'est pas ce délire idiot? Tu te trompais dans un horaire, ça arrive. Bon voilà, c'est à rentrer des classes, c'est pas tous les horaires. Elle s'est pas encore trompée aujourd'hui. Oui. Tu peux faire une dédicace s'il te plaît? Oui. Donc je fais une dédicace à Valentine, Aurélie, Morgane et ma maman qui m'écoute là. Oh bon, on embrasse ta maman, je te fais un gros bisou. Elle fume, on est au courant qu'elle fume des cigarettes. Elle l'a dit en pleine. Bisous Maëva. Je t'embrasse. Éteins ta clope, ça s'entend. Bisous. 612 par SMS. Dites-nous un petit bonjour. Balancez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux et hashtag sur Twitter. Koé Pokémon Go. Si vous nous le mettez en TT, je me lâche en Pikachu dans Paris alors. Bah oui. Et on vous donnera des indices parisiennes, banlieusards et tout. Vous me chopez en vrai, je vous offrirai des PS4. Venez. Ça va être un grand moment. Allez, voici ça. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé. Laissez-les Kouma. Laissez-les parler. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les parler. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est tous là sur Énergie. Demain, vous découvrirez un... Vous découvrirez un groupe. Quand est-ce qu'on a... Nash. Demain. C'est demain. Demain. C'est demain. C'est demain. Ah, c'est beau, ça, c'est la chanson d'amour. I hate you, I love you. Je crois que... Je crois que vous avez été un petit peu rapide. Oui, pardon, vous pouvez l'arrêter, bien sûr. Je voulais que je mette ça. Pokémon, non, mais il est dingue. Et tu sais, je crois que c'est toute son enfance, les Pokémon, en fait. Les gars, on est déjà entêtés. Hein. Mais non. Nous sommes officiellement entêtés. Oui, mais t'étais quelle position? Bon, déjà 5, donc dans 2 minutes, on sera premier. Non, mais c'est bon. Non, je vais être dans les 3 premiers. Eh, hey, c'est pas vous qui allez vous retrouver en Pikachu, hein. Attendez, excusez-moi. Tu vas pas avoir chaud en plus dans le costume, non, il fait super c'est beau ça, là. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bon, alors, je veux que ça remonte. Donc 19h30, il part d'énergie. Oui. Donc si vous voulez vraiment y aller à la cool, bah, vous le suivez de la rue Boileau et en théorie, vous verrez qu'il faut le suivre. Mais même, il donnera des indices. Il vous même donne si des vous indices. Si vous ne le chopez pas là, vous pourrez le rechoper après. Quelque part dans Paris. Voilà. Et si vous m'attrapez tout à l'heure, pour de vrai, je vous offrirai des PS4. Oui. Et si ça marche bien ce jeu, on le déclinera après dans d'autres villes. Ça serait bien, ouais, grave. C'est bien pour que tout le monde puisse jouer. Bon, pas en Pikachu tout le temps, mais. Non. Bah attendez, il est beau le costume au moins ou pas? Ah bah il est magnifique. Mais il est balèze, regarde. Oh merde, c'est le costume officiel. Ah vache, bah ouais. Ouais, c'est le vrai. Oh, le gros Pokémon. Ah, c'est pas le pyjama avec la tête qui dépasse, hein. Non. Non. C'est le vrai. Et j'ai même pas la tête qui dépasse. Ah non, regarde. Regarde, ouais, ta tête. Attention, t'as Pikachu derrière toi. Oh la vache. Attends, il est énorme. Attends, j'ai une photo. Je fais une photo. Fais un selfie avec. Je vais la tweeter, je vais me selfiezer avec un selfie Pikachu. Oh là là. Un selfie Pikachu. Ah, c'est énorme. C'est un truc de malade, ça. Bon, bah écoutez. Ah, donc tout à l'heure, j'ai fait une photo trouble. Je serai un Pikachu. Voilà, ça va être un grand moment. Bon, Pierre, on fait un bisou à Pierre. Tout le monde dit bonjour à Pierre. Bonjour à Pierre. Ça va, Pierre? Salut l'équipe. Ça va, mon pote? Ça va et vous? Ouais, ça va bien. T'habites où? J'habite dans le 93. D'accord. Les vacances, c'était bien? Bah, elles sont pas finies, donc oui, ça va. Ah, ça va, toi? Tu reprends quand? Je reprends les cours quand? Je reprends le 1er octobre. Ouais, c'est tranquille. J'étais en fac, tu nous envoyais un mail, tu me dis c'est mortel votre tour, merci. J'ai besoin de vous et de vos conseils, je suis parti en vacances avec ma petite amie et ses parents. Jusque là, pas de problème, ouais. Car ses parents sont cool, ils m'aiment bien. On était au camping et comme qu'on était en tente, pas loin des parents, le père de ma copine bat un soir, il nous a entendu faire du sexe. Je lis tel que c'est écrit. Aïe, aïe, aïe, aïe. Depuis, il me fait la gueule et il me lance des t'aimes ça. Mais non. C'est horrible. Ouais. C'est vrai que si quand il te croise dans le couloir, il fait t'aimes ça, toi. Ça doit être super gênant. Ouais, ça doit être hyper gênant. Et puis ça peut être vicieux en plus. Hein. Non, mais il parle de sa fille en plus. Bah, oui, c'est ça qui est glauque. Non, et surtout, il faudrait que tu lui répondes non, c'est plutôt votre fille comme ça. Oh, et là, bah, là, on va voir s'il a de l'humour. Hein. Il va se prendre un plein dans la gueule. Un plein. Ouais, le mec, il va aller faire le plein chez les autres. Un plein. Bon, Pierre, donc, mais pourquoi t'as pas pu t'en empêcher? Il y a de la place quand même. En vacances. C'est pas de ma faute, c'est sa vie, c'est une grosse info aussi. Oh, bah non, mais dis pas ça si, aussi. Dis-lui ça, il va être content. Ouais, ça, tu peux lui dire ça, ouais. Peut être marrant, ouais. Oh non, mais mec, pourquoi vous avez fait l'amour? Non, mais. On s'était déjà retenu depuis 4 jours et on avait trop faim, donc voilà. Enfin, vous pouvez le faire dans plein d'autres endroits. Dans les douches. Vous pouvez aller dans les douches, non, les dunes. Attends, c'est fait pour ça le camping, les vacances, c'est fait mais pour mec, ça. Mais si t'as les parents juste à côté, attends, tout le monde entend ce que tu fais. Bah oui, mais bon. Ça va, c'est l'occasion. Mais déjà, quand t'es un père et que t'emmènes pas le mec de ta fille avec toi en vacances, si ça te gêne. Parce que tu sais très bien que tu les laisses dans la tente le soir. Ouais. Ah, passer des trucs, quoi. Ouais. Ceci dit, il a raison, Piette. Moi, alors, tu les mets à l'embout du camping. Ouais, tu dis, toi, ta tente, elle est là-bas et toi, elle est là-bas. Voilà. Mais c'est loin, ouais, c'est loin. Ouais, c'est ouais, très ouais, bien. Ouais, c'est la ville à côté. Et je suis entre les deux. Et t'as raison, c'est très loin, c'est la ville. Je change même de département, disons. Mais j'avoue, il y a d'autres endroits dans un camping pour le coup. Mais non, mais tu dis bien que tu laisses ta fille. Mais non, tu sais qu'il va se passer des trucs. Vous avez quel âge? Moi j'ai 23 et elle a 19. Bah évidemment, t'as le kiki qui dérange. Bien sûr, 4 jours qu'ils n'ont rien fait, ils n'en pouvaient plus. Bien sûr, mais si. Et pourquoi vous ne le faisiez pas la journée quand les parents ils sont pas là, ils vont à la plage ou à la piscine ou je ne sais quoi? Bah parce que. Parce que cette fois ils étaient à côté de nous. Mais vous passiez la journée 24. Enfin, vous étiez 24 heures sur 24 avec eux? Bah non, visiblement. J'avais beau dire à ma chérie, viens, on va à la piscine ou viens, on va se promener. Bah non, je reste avec mes parents. Non. Ah, vous n'avez pas eu un moment en amoureux pendant les vacances? Et elle, elle voulait faire l'amour que quand ses parents étaient à côté d'elle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un trip, hein. Oh, tu me fais de la peine, là. Et t'as été bon ce soir-là ou pas? Oui, non, parce que, quoi. Non, parce que le principe, c'est est-ce que, en gros, il est tôt, mais est-ce que le papa, il a entendu juste. Ou il a entendu ça longtemps? Ouais. Est-ce que t'as planté ta sardine longtemps. Qu'une fois ou t'as fait tout le tour de la tente avec? Parce que si ça. J'ai fait le tour de France avec. Parce que si t'as fait juste un petit. Le père, il doit te dire. T'aimes ça, hein? Mais t'es pas long. Hein. Voilà. Ouais. Ah, horrible. Ah, ouais. S'il a fait crier. Non. T'imagines? Genre t'entends, oh, c'est ta fille. Et c'est les voisins qui disent, hé Roger, il y a ta fille qui est encore en train de se faire niquer là. Et toi t'es dans la tente d'à côté, tu dis, je vais y aller, je vais me casser la tête, je vais me le faire. Ah non, mais ouais, non, ça doit être chaud, mec. Ça doit être chaud. Moi, je crois que j'aurais peut-être pas osé, moi, avec les parents. Mais il peut pas détendre l'atmosphère en faisant des blagues avec les parents. T'as jamais niqué avec tes parents à côté? Bah non. C'est un challenge. Bah oui, mais non. Non, ça m'aurait gêné. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait, ma mère a passé l'aspirateur dans le couloir. Oui, mais il y avait l'aspirateur. Ah, il y avait l'aspirateur, ouais. Et elle passait autour du lit pendant que Piet était en train de niquer. Pardon, mon fils. Ah non, mais t'entendais le truc dans la porte. Bon, je te fais un gros bisou, Pierre. Tout ça n'est pas grave. Ouais. Écoute, ton père et le beau-père, ils le savaient. Dédramatises le truc. Allez, je t'embrasse. Ciao, mon pote. Ouais, bon, merci l'équipe et encore merci pour cette saison qui va être magnifique. Eh ben écoute, crois-moi, on l'espère aussi. À bientôt. Ciao mon poteau. À bientôt. T'aimes ça, Moi ça me gêne. Oui, c'est gênant. Pourtant j'aime qu'on me le dise, mais. Il est tôt, j'ai rien dit. Voici Nash, il sera notre invité de demain avec la demoiselle qui chante. I hate you, I love you, I hate you. Ça, c'est pas cool. T'aimes ça. But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. I miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat.

Désormais, Pokémon Go est en 4e position au DTT France. C'est l'heure. Est-ce que, Loris, est-ce que tu pourrais attendre que je finisse ma phrase pour appuyer sur un jingle? C'est clair. Non, mais vous verrez la touche. Comme si, Tu fais rêver la mec comme ça. Ce soir à gagner des PS4 en vrai que je vous offre si vous me chopez en Pikachu quelque part dans Paris, et c'est Loris qui va vous donner des indices au fur et à mesure dans cette émission. Vous avez le temps, hein, vous catchez-vous à la maison, ce sera pas avant 21h40. J'en sais rien, peut-être, j'en sais pas. Peut-être tu partiras avant, on verra. Mais bon, logiquement, on a besoin de toi pour l'émission. À quand donnes-tu le premier indice? Quand tu y es? Oui, d'ici 1h30. Non. Allez, tu pars à... Là, je pars tout de suite, je pense que d'ici une demi-heure, j'y suis. Allez. Tu as joué ça où, toi? C'est pas à côté, hein. Mais t'es fou. Moi, je connais pas trop Paris, donc... Alors dans 2 heures, alors. Ah, t'es dans un quart d'heure, même pas. Avec toi, GPS, hein, parce que sinon... Allez, GPS sur les voyous. Ils viennent nous faire sa sortie en dansant sur le générique. Il faudrait faire plus de défis où Loris se barre toute l'émission. Ouais, on va l'envoyer loin. On l'envoie en Alaska. Aujourd'hui, c'était la rentrée. Lundi, on fera une émission spéciale rentrée, parce qu'on va attendre que tout le monde rentre. Il y en a aujourd'hui, il y en a demain, il y en a lundi. Lundi, on fera une émission spéciale rentrée où nous-mêmes nous ferons notre rentrée. Oui. On prépare une émission spéciale et on fera plus spécialement des doses sur la rentrée. Mais il y a quelques chiffres qui sont sortis. On apprend que 4% des parents se sont déjà trompés de jour de rentrée de leurs enfants. Non. Imagine le gamin, 8h, l'arrêt sur le côté, bien habillé. Personne. Tiens, il me semble qu'il n'y a pas grand monde. Ils doivent avoir l'air con. Mais maman, on est le 12 juillet. 23% des pères célibataires avouent attendre la rentrée pour draguer des mamans en accompagnant leurs enfants. Ah, et c'est pas bête ça. Ouais. 27% des élèves n'ont pas de vêtements neufs pour la rentrée, mais les vieux vêtements de leurs aînés. Ça, c'est la loose. 14% des parents avouent utiliser l'allocation de la rentrée pour acheter du high-tech pour la maison et non des fournitures scolaires. Maman, j'ai pas de crayon. Bah, t'as un putain de DVD. Regarde le plasma. Regarde papa comme il regarde le foot sur le plasma. 0,3% des profs se sont déclarés en dépression dès le premier jour de la rentrée. Ça me paraît même pas beaucoup. Et 1,7%. Non, je peux pas. Et 1,7% des élèves se sont fait virer le jour de la rentrée. Ah, ça, c'est fort, ça. Ça, c'est très comment fort. C'est possible? Bah, tu peux. T'arrives, tu fais une connerie, tu fais virer. Ah, oui. Bah, moi, je trouve ça assez marrant. Moi, j'aime bienvenue sur Énergie dans un instant. Qu'est-ce qu'on fera? Question pour Aïeuve? Oui. Allez, on fera ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Tal? Ah, c'est ma chérie. Elle était là hier. Allez, mater la vidéo. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend la danse est filée. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Au loin la peur qui s'en va. Passent les jours et les combats. Combien d'été reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Le soir sur Énergie, il y a Coé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Ah non, j'ai dit que c'était Coé. Coé, 19h-22h sur... Bonne rentrée tout le monde, hashtag Coé Pokémon Go, faites tourner sur Twitter. Tout à l'heure, je serai un Pikachu quelque part. Écoutez-nous bien toute la soirée et Loris vous donnera des indices si vous me trouvez en vrai et en vrai Pikachu dans la rue, pas le petit truc que vous mettez sur un banc là sur votre téléphone. Ah non, c'est la vraie mascotte Pikachu. Si vous me trouvez et que vous me chopez pour de vrai, je vous offrirai des PS4 tout à l'heure. C'est bon ça, non? Ouais. Je voudrais quand même vous dire, est-ce que vous savez ce que c'est que le phallostatus? Le phallostatus? Personne ne sait, je commence. Alors, les révisions. Hein. Phallo, ça doit venir de phallus. Phallus. Et le phallostatus, c'est un poisson. Ah, c'est un... je croyais que c'était une bite égoïste. Il est têtu. C'est un poisson qui a le zizi à quel endroit? Alors je dis rien, je demande au public. Dans la tête? Où le phallostatus peut-il avoir le sexe? Voilà, t'avais pas ton micro toi, t'es à peu près. Hop, on dégaine, on donne au public tout de suite. Bam, le garçon en short là au milieu, il a une bonne tête, il doit savoir. Lui. Tête d'obsédé sexuel. Lui. Alors? Alors? Où est-ce qu'il peut l'avoir? Dans le dos? Le haut là. Sur le haut, c'est-à-dire? Sur le dos, ouais. Non, pas sur le dos, à côté. Sur mademoiselle, où est-ce qu'il peut avoir son zizi le phallostatus? Sur le front? Non, mais on se rapproche. Ça, c'est une licorne. Ça, c'est une licorne. C'est pas un zizi. Mademoiselle, où est-ce qu'il peut l'avoir? Sur le menton. Non, on se rapproche. Ça, c'est un Bogdanov, ça. Sur la tête? Non, non, non. C'est dans ce coin-là. Sur la bouche? Presque. On passe le micro derrière, vous allez presque trouver. Ah bah, sur le nez. Non, on y était presque avec sur la bouche. Hein? Là? La langue? La langue. Bon, on y est presque. La gorge. La gorge? Il a le sexe dans la gorge. Ah. Ah. T'imagines si nous, les humains, on avait un sexe dans la gorge? T'imagines quand tu fais un bisou dans le cou? Une bifle. Et comme nous, on en fait quatre, bam, bam, bam, bam, bam. Il a le truc dans la gorge. C'est bizarre, non? Ah, c'est chelou. Allez, attention, on est parti pour Question pour Aïeuve. Ouais. Attention, le principe de Question pour Aïeuve, c'est ça. Nous appelons des personnes âgées en France que nous avons prévenues un petit peu avant en leur disant une radio va vous appeler pour jouer. C'est la seule chose qu'ils savent. Ils connaissent pas forcément la règle du jeu. Non. À partir de là, on leur pose des questions. S'ils ont la bonne réponse. S'ils ont la mauvaise réponse. Ah oui. D'accord. Et on est vraiment l'ancienne là. Ah ouais, on est parti. On appelle Marie. Et ensuite on aura Anita. Attends, je regarde mes questions, voir si moi-même je les comprends. Parce que... Oui, si tu vas les comprendre. Alors. Ouais, si, c'est bien. C'est un peu trash. Allô Marie. Bonjour Marie, c'est Coé, on est sur Énergie. Comment allez-vous Marie? Oh mon chéri Coé, mais c'est pas vrai. Alors. C'est pas vrai, je m'y attendais pas. Comment allez-vous? On m'a promis, mais c'est pas vrai. Mais mon si Marie, ah bah, il vous a dit que j'allais appeler, mais je vous appelle Marie. Vous allez bien? Mon Coé d'amour, je suis folle de vous entendre. Ça fait longtemps que je t'ai pas venue. Eh ben ça me fait plaisir Marie. Marie. Je suis une fan, oui. Mais de, une fan de quel âge, vous êtes à peu près vers quel âge? Démoniaque. D'accord, j'avais rien dit de drôle. Si je vous dis mon âge, Coé, vous tombez raide. Allez. Alors dites-moi. Allez, 75 ans. C'est pas vrai. Vous avez 75 ans? Mais vous êtes génial. Qu'est-ce qu'il me veut, mon Coé d'amour? Alors votre Coé d'amour, il va vous poser des questions, mais d'abord il va vous présenter la personne avec laquelle vous allez combattre. Incroyable. Dans l'arène, de questions pour Aïeuf, je vais vous présenter Anita. Anita. Vous allez voir, Anita, elle va décrocher d'un moment à l'autre. Anita? Okay. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Coé, on est sur Énergie, vous allez bien, Anita? Oui, je vais bien. Je vous présente Marie. Marie, dites bonjour à Anita. Anita, dites bonjour à Marie. Bonsoir, Anita. Bonsoir, Anita. Bonsoir. Laissez-moi gagner, Anita. Ben, je veux bien, moi. Alors, hein. Je vais vous poser des questions sur les idoles, notamment des jeunes. À vous de trouver la bonne réponse et au fur et à mesure, je mets des points. Voici la question. Écoutez-moi bien. Comment s'appelle le chanteur idole des jeunes en ce moment? Bruce Willis, Justin Bieber ou Frédéric François? Justin Bieber. Qui a dit Justin Bieber? Marie? Les deux. C'est Marie, hein? C'est Marie en premier. Marie. Il est beau le petit Justin. C'est Marie qui l'a dit en premier. Un point pour Marie. Il est beau le petit Justin. Bon. Hein. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Oh, il est magnifique! Comment il ça? Justin Bieber. Hein, attends. C'est l'idole des vieux, par contre. On continue, deuxième question. Comment s'appelle l'appli qui cartonne sur les téléphones en ce moment? SnapTub, SnapMinou, Snapchat? Snapchat. Qui a dit ça? Non. Comment, Marie, vous avez dit quoi? Top chat. Marie, redites-moi, Marie. En même temps. Marie, vous avez dit? Ah non, je suis en train de manger. Stop Farm. Là, c'est pas du tout un mot que j'ai dit, alors. Non, c'est Anita qui avait mis la bonne réponse. C'est Snapchat. Bravo, Anita. Oh, Anita, laissez-moi gagner, franchement. Voici y a égalité, là. Vous êtes à égalité. Voici la dernière question. On est à égalité, OK. Comment appelle-t-on une fille facile en langage jeune? Une tepu, une tepa ou une bouffonne? Non, la tepu. Oh, Anita, elle est plus jeune que moi. C'est pas un match à égalité. Je suis désolée. Ah, la tepu. Ah, bah, c'est une tepu, hein, j'en connais. Hein. Ah, bah, Anita, elle l'a dit direct. C'est oh, bah, pas c'est un une match tepu. À égalité, non. Ah, bah, Anita, elle a dit. Quel âge vous avez, Anita? 67. Ah, bah oui. Ah, j'ai 75, voilà. Alors, c'est pas juste. Il faut prendre quelqu'un du même âge. Marie, allez, la prochaine question. Marie, elle est chaude là. Marie, j'ai plus de prochaine question. Alors j'ai perdu. Oui, Marie. Oh. Allez, Marie, c'est Anita qui a gagné. Eh ben, c'était une tapu. C'est la bonne réponse. Eh ben, tant pis. On se revoit sur Top Schlatt. Alors, et comment ça s'appelle le réseau social Snap Schlatt? Slop Schlatt. Bien, Anita, elle est dans l'équipe. Bravo, Anita, je vous embrasse. Je vous embrasse fort. A bientôt, Anita. A bientôt, Marie. Moi aussi. Au revoir, Marie. Elles sont formidables. A bientôt, Marie. J'adore. Rendez-vous sur Slop Schlatt. A bientôt. Voici Julianne Peretta sur Énergie. Elle est fantastique. Ah ouais. J'ai une grand-mère comme Marie, moi. Ah, c'est une tabu, Allez, montez le son. On est là. Et n'oubliez pas tout à l'heure, hashtag Koé Pokémon Go. What we could have been, where life could have taken us. Blame it on the wind and cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce, cause I cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Gone. That's why I. Énergie. Il y aura Charlie Pousse tout à l'heure. Il y aura vous tous au téléphone. Passez-nous un coup de fil. 0870 42 48. Ça va, Stouff? On t'a pas entendu aujourd'hui. Mais si, ça va très ça bien. Ça va, tout se passe bien. Ouais, ils sont gentils, les gens, ou pas? Tu leur dis des bonjours, tu leur dis bonne rentrée, tu leur dis que vous avez passé une bonne journée. Formule tout de politesse. Tout à fait. D'accord. Qui veut prendre ma place pour aller être en Pikachu dans la rue tout à l'heure? Non, personne. Ah, ok. Merci de m'aider, c'est sympa. Il y aura Ania dans un instant au téléphone. Prenons pour lui faire plaisir Loris, qui est donc déguisé en dresseur quelque part dans la rue. Je vais te faire kiffer, mec. Premier indice pour retrouver Pikachu tout à l'heure, ou Loris d'abord. Ouais, donc, Loris d'abord, faut suivre Loris. Premier indice, puisque le but du jeu, suivez-le, parce que si vous le suivez, vous serez les premiers à trouver Pikachu quand il arrive. Et je vous offrirai des PS4, en vrai. Il y a les boîtes, elles sont là-bas derrière, j'ai tout. Vas-y Loris, premier indice. Oui. Non, alors le premier indice, c'est qu'on avait un petit souci avec le cadenas, on était bloqué devant la radio. Non, on n'est pas tout à fait au point où on devait être. Et t'es où là? Et tu vas où? Là, je suis pont. Bah dis pas où t'es. Il faut que je dise ou pas? Bah non, parce que tu as donné un indice. Mais c'est quoi l'indice de ton premier truc? C'est quoi? Tu le vois d'ici, tu dois le voir. Ah, je le vois. Ah oui. Alors attendez. Là, il sort sa feuille. Ouais. L'endroit où tu dois prendre. Il est en galère. Alors là, je me trouve au parc André Peugeot. Ah non, c'est une autre marque de voiture. Il y a une grosse montgolfière. Redis-le. C'est super bien joué. C'est un indice. C'est bien joué. Hein. Alors le premier indice, c'est... Ah putain, attendez, je fais un trottoir. Je me trouve... Oui, grille-le. Voilà. Attendez. Non, bien sûr que non. Ah, s'il a un vélo, il peut. Je crois que les vélos, si tu tournes à droite, il peut. Si, je crois que les vélos, si tu tournes, tu peux. Là, en fait, je me trouve au parc André Peugeot. Ah non. Mais non. Une autre marque de voiture. Et il y a une grosse montgolfière. Alors, tu joues bien. La montgolfière, on la voit de très premier loin. Premier indice pour retrouver Loris et peut-être choper votre PS4 si vous me chopez tout à l'heure en Pikachu. Voilà, un endroit dans Paris où il y a une montgolfière. Non, dis pas plus, Julie. Non, dis pas plus. Merci. On est en deuxième TT France, c'est énorme. Ah parce que mais t'arrives à tout faire en fait, tu conduis le vélo, t'enlèves le cadenas, tu regardes les TT. C'est pour ça qu'il est en retard. Ah non mais là, c'est une catastrophe, pardon. Il vient d'écraser une petite vieille. Petite vieille. C'est dynamique que le vrai Sacha dans Pokémon, je vous l'avoue. Putain, oh là, j'ai une pente énorme. Il y a quoi? Une pente. Une pente là pour arriver à la montgolfière, c'est mais arrête. Oui, si, on l'a dit montgolfière, mais j'allais dire. Oui, si, on peut. Allez, à tout à l'heure. À tous, bisous. Allez, sois sage. Il y a une info qui vient de tomber, mais je la vois pas, il y a un problème. Pourquoi? Le nombre de sexe, la durée idéale du sexe quand dans une journée. Ouais. Il faudrait pour 36 minutes de travail 106 minutes de sexe, non? Si, c'est ça. Mais non. C'est ça, l'info. Ils ont interrogé les enfants. 36 minutes de travail, 106 minutes de sexe. Ah oui, mais c'est le truc idéal des mecs. Voilà. Ils ont interrogé des mecs. Mais 106 minutes de sexe. C'est pas possible, mais c'est le truc idéal des mecs. Les scientifiques, ils ont quoi? Ils ont interrogé leurs zizi. Ils ont dit combien tu voudrais? C'est ça. Combien tu voudrais? 106, je te mets 106. Mais après, ils n'ont pas vérifié la faisabilité. Non, mais c'est ça. Voudrait, ce serait l'idéal. Vrai, ouais. Combien de gens dans la vraie vie, déjà, font 106 minutes de sexe? Parce que c'est bien gentil, les histoires de on a fait l'amour toute la nuit. Ouais, ça fait 1h45. Mais des gens qui font l'amour toute la nuit. 1h45, c'est énorme. Toutes les 30 minutes, toutes les 30 minutes de travail. 30 minutes de travail, bim, 1h45 de sexe. Et tu reviens. Et tu refais 36 minutes de travail. Marc, on serait peut-être plus performant. Hein. Mais Julie, oh, pas sûr. Je sais pas. Tu pourrais plus t'asseoir. Tu travailles debout. Et puis l'autre, il sera assis tout le temps. Il dira attends, j'ai besoin de me reposer. Restez avec nous sur Énergie. Charlie Pousse dans un instant. La petite Ania au téléphone. Et vous tous, 0870 42 48. Bonjour et bienvenue dans la première émission de France, de Belgique, de Suisse et de plein d'autres endroits dans le monde qu'on connaît pas encore. A tout de suite. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. Avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler Energy 3937 et vous gagnez le pack Energy Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Energy numéro 1 sur les pop, R&B, dance. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. MAF Assurance présente Parole de Pro.

c'est que je suis rentré au lycée aujourd'hui. Je ne connais pratiquement personne dans ma classe. Bon, c'est vrai qu'on peut, on peut se faire des amis facilement, mais des fois, ça dépend. En fait, je suis en seconde générale, mais je voulais absolument faire ça. Bon, bref, je comprends rien. Explique-moi, j'ai rien compris. Quel est le souci ? T'es pas content de ta seconde ? Ouais, non, mais en fait, c'est en rentrant au lycée, en fait, on s'est dit, ouais, ça va être super et tout. Sauf que, en fait, quand on y pense, en fait, après, on se dit, en fait, pas si bien que ça. Hein. Bah, t'as fait qu'une journée. Ça dépend des gens. Oui, mais attends, qu'une journée. Hein, ils ont un peu raison. T'as fait qu'une, voire une demi-journée. Ouais. Et t'arrives et tu dis non, finalement le lycée, j'ai tracé le bilan. Hein, c'est sûr. J'ai fait le tour. C'est tellement 90. non, c'était bien avant, mais c'est plus bien. Mais attends, tu viens de rentrer, attends un peu. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce qui te plaît pas ? En fait, je suis un peu. Non, ce qui me plaît pas, c'est surtout qu'en fait, ça va un peu vite. Enfin, on est beaucoup dans les salles. Surtout déjà, en fait, rien qu'au début, en plus, on est arrivé dès le matin et tout. À un moment, notre prof principale nous dit. Elle me dit bon, vous allez faire ça pour la semaine prochaine et tout. Enfin, en fait, elle nous passait déjà un devoir pour la semaine suivante. Oh, c'est mal fichu, elle m'a eu. On en parle dans un instant, ma chérie. Bouge pas, on en parle. Et tout à l'heure, il y aura le double hit Justin Bieber et l'iPhone 7 va tomber ce soir. On en parle après de Charlie Pouce. Ok. Koé, 19h, 22h sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. All of it for. Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. He's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. C'est l'heure du coming out de Koé. Du comeback, pardon, c'est un lapsus. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Koé, 19h-22h. Il y a tout le monde qui est là, il y a Pietre, il y a Julie qui est en train de se baffrer avec des trucs au fromage et après elle va dire je suis pas un peu grosse. J'ai jamais dit ça. Ah bah non, mais nous on te le dit. Vous me le dites, mais moi je le dis pas. Quoi? Oh, quoi? Mais elle est magnifique. Merci Margot. Vas-y, mangeons 8, 9, 10. C'est parce qu'elle a encore pas signé son contrat. Comme ça quoi? Comme ça, je serais plus mince que toi. Vas-y. Même si elle en mange une vingtaine. Bon, il y a plein de messages. En même temps, on fait un petit Facebook Live. Là, il y a plein de messages. Jamais tu liras mon com, dit Anthony. Bah si, je le lis. La preuve. Voilà, je le lis. Qui est Charlie qui nous dit bonne rentrée à toi et à toute l'équipe. J'espère que votre rentrée à vous s'est bien passée et que vous avez. Qui a fait sa rentrée aujourd'hui dans le public aujourd'hui? Personne? Non, si. Ah, il y en a une qui a levé la main au deuxième rang. Comment ça s'est passé, ma chérie? Passez le micro. Oui, les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils doivent être déscolarisés. C'est pas, on a qu'un public, ils sont comme ça. Enfin, nous, on n'a plus le droit d'aller à l'école. Alors, vas-y, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah, ça va. T'es rentrée en quoi? En première. Première quoi? Première L. Première L? Première L de quel endroit? Mais faut te dire, toi, de poser toutes les questions! Quelle ville? Du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne, d'accord. Ouais. C'était cool? Ouais, t'as trouvé des copines? Ouais. Ah bah c'est le principal, faut pas qu'on soit tout seul. Bon, je vais couper le Facebook Live. Il y a Sébastien Bertignac qui me dit t'es toujours au régime? Non. Bah si. Bah si, je suis obligé, à vie. Il y a Jean-Yves qui dit ça a l'air bon ce que mange Julie. Ah merci. Michael qui dit vivement TPMP avec toi. Ah bah c'est gentil, on y va lundi. Lundi, ouais. Lundi, on se fait la première, une fois par semaine. Hein, pas, voilà, une fois par semaine comme ça. Puis bientôt il y aura l'œuf ou la poule que vous verrez. On va kiffer. J'espère que vous viendrez dans les enregistrements des émissions. Hein. On viendra te voir, nous. Mais aussi. Mais toi, non, c'est pas toi qui dis ça, c'est aux auditeurs. Pour qu'ils puissent venir et tout. Bon, on fait un bisou. Allez, je vais couper la connexion. Bisous sur Facebook et on revient sur Énergie. Anina Cyril Anina. Ça va, Anina? Anina. Ah, voilà, elle est là. Anina. Bon, oui, ma chérie, alors on en était où? Donc, ta première rentrée, c'est pas bien passé. Comment ça s'éteint, cette merde? Ah, terminé. Pardon, j'essaie de couper. Voilà. Vas-y, je t'écoute, Anina. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire en fait. Hein. Bah, alors, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est quoi l'idée? Si tu vas pas à l'école, tu vas faire quoi? Pour les voitures. En fait, j'aimerais bien suivre des cours par. Non, Snapchat. Des cours par correspondance. Eh oui! Des cours de tatoueuse par correspondance, ah oui, bien sûr. Cette semaine, le numéro 1, l'aiguille. Voilà. Voilà, tu as ton encre et tout. Le cobaye. Bien sûr. Ah ouais, quand même, tu cherches là. Mais des cours par correspondance, de quoi? Des cours par correspondance, par exemple, pour suivre des cours de seconde normale. Ah, mais tu veux pas aller au bahut alors? Moi, je veux pas aller au bahut. Mais t'as pas envie de te faire des potes et tout ça? Parce que tu sais, tu vas te faire chier. Savoir une chose, c'est que t'es toute seule après, hein, quand tu fais des cours par correspondance. T'as pas d'amis, ça arrive. Tu es désociabilisé. Voilà, comment tu vas trouver des cobayes pour faire des tatouages, tes premiers tatouages après, si t'as pas d'amis? Alors que là, t'es au lycée, tranquillement, pendant qu'ils font pas attention, tu prends un stylo plume, clac, tu fais des tatouages. Mais tu te traites comme ça. Sans les profs, quoi, ils tombent le dos. Ouais. Tu t'entraînes. Ouais, bon, enfin, tu sais, en fait, t'inquiète pas, après, genre, t'inquiète pas, j'ai plein d'amis. Mais c'est quoi, attends, c'est quoi ton souci? C'est quoi ton souci? Primaire, de collège, la maternelle. C'est quoi ton souci pour pas vouloir aller à l'école? Ouais, ça cache quelque chose. Il y a bien un problème si tu veux pas y aller. Mais je sais pas, en fait, je trouve, en fait, j'ai regardé en fait, sur internet pour les cours par correspondance. En fait, j'avais regardé comme ça au début, et à un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était. Enfin, il y avait une maman qui disait, en fait, qu'elle avait inscrit sa fille, en fait, pour des cours par correspondance. Sauf que bon, sa fille, elle, c'était surtout parce qu'en fait, elle ne pouvait pas à cause d'une maladie. Parce qu'elle avait peur des gens. C'est ce qu'on dit. Souvent le cas. Les cours par correspondance, tu vas pas naturellement, c'est pas un truc naturel. C'est quand t'as eu. Soit qu'il y a des problèmes physiques ou psychologiques. Tu as eu un peu de violence, que t'as peur, que t'as été traumatisé, c'est souvent le cas. Mais si toi, ça va et que t'as des amis, pourquoi tu veux ne plus les voir? Non, c'est pas que je ne veux plus les voir, c'est juste qu'en fait, j'ai justement en fait, lu après. En fait, on pouvait découvrir en fait, qu'il y avait des enfants précoces, en fait. Est-ce que tu penses que t'es précoce? Et d'où vient le truc? Non, enfin, je sais pas, en fait. Mais je me rends compte qu'avant, je me débrouillais mieux. D'accord, mais ma chérie, j'ai l'impression que tu te poses un peu trop de questions. Ouais. et que tu es en train d'essayer de trouver des solutions pour des problèmes que tu as pas. Tu veux être tatoueur à 14 ans, puis finalement tu es au lycée, mais ça te va pas, tu veux faire des trucs chez toi. J'ai l'impression que tu n'as pas envie de te dire que tu vas te taper des années lycée. Ça fait plaisir à personne de se taper des années lycée. Mais c'est comme ça. Après, c'est vrai, peut-être qu'après, ça va plus me plaire. Enfin, que je vais me dire, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon. C'est les meilleures années de lycée, en plus. C'est ça le truc. Franchement, moi, le lycée, j'ai kiffé. Parce que le collège, t'es surveillé de partout, tu peux rien faire. Le lycée, on commence à te foutre une paix. Moi, j'étais à la cool, j'étais pas meilleur, plus bon élève que ça. On m'a foutu mais une paix royale au lycée. C'est vrai. Les profs, si t'es assez sympa, t'as oublié ton devoir, tu vas les voir avant, t'es un peu à la cool, ils comprennent, tu vois, c'est un peu... Là, tes potes, tu passes plus de temps avec eux, parce que les parents te lâchent un petit peu aussi. Donc c'est là où tu découvres vraiment tes amis et tout. Tu peux aller boire un coup. La cafette. Voilà, tu peux vraiment faire des trucs de pré-adulte, on va dire. Le petit café de 10h, là, à la pause, que tu peux pas faire au collège, le café. C'est génial. Café, on t'amène ton petit chocobéen, là, alors que là, tu peux prendre ton café. Alors imagine si tu fais des cours par correspondance, tu vas être toute seule chez toi, enfermée. Non, ça n'a aucun intérêt. Les cours par correspondance, ouais. D'autres délires dont tu seras pas au courant, ça va être chiant. C'est vraiment fait les cours par correspondance pour les gens qui ont des soucis, quoi. Qui veulent plus aller à l'école, qui ont peur. Quand il y a des traumatismes. Toi, si t'as pas ça, te prends pas la tête. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais le bus, c'est chiant. Les banquettes, elles sont pas confortables pour aller dans le bus. Prendre un bus par correspondance. Ouais. Bon, allez, te prends pas la tête. Non. Vas-y, tu vas voir ça, tu vas kiffer. Puis t'en as pour 3 ans quand même. Là, c'est le premier jour. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses qui vont être cool. Moi, j'ai adoré. Ah, ben, j'espère. Mes années lycée, c'était mes années. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai redoublé 4 fois. Tu découvres un peu la sexualité, t'es un peu à la cool. Les surveillants sont plus cool. C'est le moment où ceux qui fument, ils peuvent fumer un peu leur clope. En fait, vous avez tellement kiffé le lycée, vous avez redoublé tous 4 fois, en fait, non? Écoute-moi, toi. ça n'a absolument rien à voir avec ça. On était en difficulté, d'accord? Parle pour toi. Non, mais j'ai redoublé une fois, ma terminale. Moi, je veux pas redoubler au lycée, mais j'ai redoublé au collège. Moi, j'avais un an d'avance. Moi j'ai redoublé. Oh là là. Je suis en fin d'année. Non, mais moi j'ai redoublé parce que j'ai fait une très bonne scolarité et ma terminale n'était pas pour moi. Et je me suis dit, oh là là, ne serait-ce pas là le moment de faire une année sabbatique. Et en fait, j'ai passé une année à rien branler. J'avais deux de moyenne toute l'année. Mais c'était cool ou c'était. C'est cool, t'en as rien à foutre, tu sais que tu vas pas avoir le bac. Ah, mais t'allais quand même en cours. Ah, bien sûr. Et tu foutais rien. Ah, bah j'étais à la cool. Ouais, mais là, c'est nul de faire ça. Je sais, mais je me suis rendu compte que c'était pas ma bonne section. Ils m'avaient mis en scientifique, sur-scientifique, mathématique, et c'était pas trop mon truc. C'est comme si tu te foutais sur une autoroute, au bout du premier kilomètre, tu te dis, ah merde, c'est pas la bonne autoroute. Moi, j'y vais quand même, j'ai eu des très bonnes notes. Année, j'avais des très bons trucs, je me suis dit est-ce que finalement je peux pas. Voilà, c'était bien. C'est bien. Oui. Il faut trouver le bon truc en fait. C'est ça, il faut trouver la bonne chose. Puis après on peut continuer. Toi, tu te poses trop de questions. Tu poses pas la tête. T'es en seconde, c'est ton premier jour de rentrée. Fais ta seconde. Pose-toi moins de questions, d'accord? Il y a peut-être des garçons mignons en plus dans ta classe. Ça dépend, il peut y avoir que des moches. Moi, elles étaient toutes moches dans ma classe. Ah bon, t'avais pas une jolie fille? Mais il y a toujours une jolie fille ou un beau mec dans une classe. Mais elle m'a jamais regardé, la jolie fille, jamais. Je t'embrasse, Anya. Gros bisous, ma chérie. Ouais, attends, Koué. Quoi? Tu crois que je peux pas. Tu viens de me niquer l'intro de. Allez, elle m'a niqué l'intro de Soprano. Oh là là. Allez, moi, je suis là, je fais un truc de professionnel pour que ça se termine en disant à bientôt. Et que lui commence à chanter. Et là, c'est. Attends, non seulement elle se pose des questions, mais en plus, elle parle trop. Elle m'a niqué Soprano. Allez, vas-y, je t'écoute. Oh là là. Remets le début de Soprano, vas-y, remets-le. Vas-y, je t'écoute, Anya. Voilà, en fait, bon, je vous aime tous beaucoup en résumé. Oui. Ben, j'espère que vous allez bien terminer. Enfin, ouais, bon, la terminée, la commencer. Enfin, bon, t'as niqué Soprano pour vous dire ça. Excuse-moi, Anya, et toi, tu vas me mettre des intros de plus en plus courtes, toi, à chaque fois. T'en es où? Tu sais te servir du matos un peu ou pas? Elle m'inquiète un peu, cette réalisatrice. Hein. Tu peux boucler l'intro aussi. Elle m'inquiète, j'ai été sympa au début, je pense que je vais commencer par balancer des objets. Hein. Après, je vais balancer des gens, ça va être dur. Hein. Et le jour où Julie va te tomber dessus, du coup, ça va faire mal. Et tu ne vivras pas. Bon, Anya, je te fais un gros bisou, je t'embrasse, ma chérie. Bonne rentrée, te prends. Et on n'a plus du tout d'intro, on est direct dans Tu sais quoi? On est à la fin du morceau directement. Non, mais tu m'inquiètes un peu là. Ça va? Regarde, tu tapes Soprano. Pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Voilà, on va le mettre là. Vas-y, mets-le là. Voilà. Non.

Il est temps que tu me parles du deuxième indice, puisque tu es à un endroit et tu vas te rendre à un autre endroit. Où c'est l'indice de l'endroit où tu es. C'est l'indice de l'endroit où je suis actuellement, là. D'accord. Mais ouais. C'est un nouveau. Oui, c'est un autre. C'est un nouveau. Ah oui. Oh là là, vas-y, on va jouer. Vas-y, allez, on joue. Allez, on joue. Indice. Alors, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bordel? Il y a des gens avec des bruits. Ouais, il y a énormément. Non, on a semé 2-3 personnes qui nous suivaient. Quand on a tellement envie de ce vélo que là, on va se poser un peu sous ce monument-là. Sous ce monument, je dis bien sous. Parce que je peux lire sur cette façade Lalande, Tresca, Poncelet, Brest, Lagrange, Béanger. Ah bah, je sais pas où il est, moi. Bah si, quand même. Ah, si, quand il même. Est sous le monument et tu as lu quoi? Oui, quel monument? Il y a des noms. Et redis-nous. Il y a des noms et il y a beaucoup de gens qui vendent des saumoniers, en fait. Et des roses aussi, apparemment. Ah, c'est la Tour Eiffel. Ah, oh, merde. Il faut bien le dire, t'es en train de tuer le truc. J'ai rien dit. Je n'ai pas dit, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a pris ma voix et qui est arrivé. Qui a dit Tour Eiffel? Quel est le con qu'a dit Tour Eiffel? Sachant que ça n'est pas l'endroit où je vais aller. C'est un des endroits de pause et ensuite tu vas ailleurs. En fait, l'idée, c'est de choper Loris à cet endroit-là, de pouvoir le suivre pour arriver, être les premiers au moment où il libérera Pikachu. Déjà, excuse-moi, Loris. Sacha, Loris. Voilà. Sacha, Loris. Merci, mon Loris. Tout à l'heure, je te remets ton jingle de fin. Il y a du monde autour de toi. Attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est des Chinois. Je vais rester 5-10 minutes sur la Tour Eiffel pour ceux qui veulent. Mais c'est qui les gens qui font du bruit à côté? C'est touristes chinois? C'est les touristes chinois, hollandaises, anglaises, ouais, tu polonaises. Chines, quoi. Il n'y a que des filles, quoi. T'as quoi. Il n'y a que ça. Allez, et un doux aussi. Allez, à tout de suite alors. Jingle. Comment ça va, Charlotte? Coucou, ça va et toi? Bien joué, ma Charlotte, ça va bien. Bienvenue chez nous. Je te présente Julie, je te présente Pietre, ouais. Je te présente Guéguette. Hello. Je te présente tout le monde. Allez se faire un tour aussi sur mon Facebook Coé officiel. Je vais lire vos messages là. Allez dans messages, je te dis. Charlotte, excuse-moi, je fais tout en même temps. Hein. Ouais, pas de soucis. Tu m'en veux si je lis des messages? On va s'occuper du tonton bourré. C'est qui qu'on va appeler dans un instant? C'est mon voisin, il s'appelle Laurent. Est-ce que Laurent est du genre à être bourré tous les soirs? Là, c'est le voisin bourré. Mais c'est la fête tout le temps. Je rappelle temps que si vous avez un voisin bourré, un tonton bourré, inscrivez-vous, coé@energie.com, peu importe, ouais. Tant qu'il est bourré. La vie de mamie. Et nous, on va vérifier s'il est réellement bourré, ce qui n'est pas bien, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. S'il est réellement bourré, tu gagnes un cadeau, Charlotte. Oui. Attends, je lis. Est-ce que tu es sûr de ton coup, là? Bah, normalement, oui, parce que souvent à la fête, il est tout le temps bourré. Donc ah, mais la fête, on est quoi, mercredi? Ouais, mercredi. Jeudi? Il est 20h. Il est que 20h. Hein. Ouais. Attends, je vais lire quelques messages. Oui, mais il est souvent, il prend l'apéro, tout ça. Je peux lire des messages un peu Facebook. Vas-y. Sacha Torel qui dit yo pouf pouf, ça ne veut rien dire. Mathieu qui dit je vous écoute à la radio et j'aime bien. Léa sort qui dit vous êtes génial. S'il y a prochaine fois, il faudrait venir à Nantes pour le Pokémon. Ah, vous commencez à nous mettre les dates? Ah, d'accord. Photo de. Il y a des mecs qui envoient des photos de vacances de Grèce. Jean Staff qui dit salut à toute l'équipe. Et pour l'instant, on appelle Laurent le voisin bourré. On va donc vérifier s'il l'est vraiment. Je l'espère. T'imagines, c'est l'inverse, déjà ouais. Dispourvu qu'il est picolé. Allô? Allô? Allô? C'est Laurent? Enculé de téléphone de merde là. Putain. Laurent? Allô? Allô? Mais il y a combien de personnes là? Oui. C'est Laurent. Allô? Oui, allô? Ça va, Laurent? Ouais, bien, ouais. C'est qui à l'appareil là? T'as bigolé ou pas, Laurent? J'entends pas là-haut. Laurent? Allô, c'est qui à l'appareil? C'est un copain. T'as fait la fête ou pas? T'as bigolé ou pas? La fête, oh lolo. Je sais pas qui c'est là-haut. Est-ce que t'as picolé un peu, Laurent là? Ouais. Picolé, c'est quelqu'un qui me voit là sur le balcon, quoi. C'est un picolé d'apéro, quoi. Ouais, je te vois sur le balcon, là. Tu picoles un peu, là. Aïe, aïe, aïe. Tu picoles, Laurent. Mais c'est qui à l'appareil? Qu'est-ce que tu vois? La une d'SP, gentiment, quoi. Oh, ouais. C'est la combien? C'est la combientième? La troisième, mais ça va, c'est les vacances encore. Je reprends lundi. Ah. Et tu vas aller jusqu'à combien? Ben, je sais pas trop, mais c'est qui à l'appareil? Il faut monter boire l'apéro là, à la maison, c'est un peu la fête. Faut pas discuter là. C'est en plus. Non, il y a du monde en face, je sais pas trop qui c'est. On te fait coucou, tu nous vois ou pas? D'ailleurs, je te montre mes fesses. Regarde, Guigui, il te montre ses fesses. Et là, je vois une mamie. Ah, enjambe le balcon. Non, non, bah, Charlotte, je suis désolé. Il a pas vu. Non, il part. Bah, troisième d'espé quand même. Oui, mais on est arrivé trop tôt, les amis. Après, est-ce que ça s'entend vraiment? C'est pas le vrai tonton bourré. Le vrai tonton bourré, ça devrait faire intérêt. C'est ça. Là, non, on n'y est pas. Laurent, il est digne. Il a bu de l'alcool, il est dangereux pour la santé. Parce que d'habitude, il est tout le temps bourré. Pas de chance. Ouais, pas de chance. Tant pis, bisous Laurent. Dis-lui que sa voisine trouve qu'il est tout le temps bourré. Laurent, il paraît que ta voisine Charlotte, elle trouve que t'es tout le temps bourré. Charlotte, ah. Il y a un dossier ou quoi? Elle dit que t'as un beau paquet. Il a 40 ans, il est trop vieux. Non. Ça ne me concerne pas, j'en ai 29. Bisous les deux, je vous embrasse. Charlotte, tant pis, on garde le cadeau. Inscrivez-vous. Non, il faut que vous trouviez quelqu'un et vous nous dites vraiment lui, il y est tout le temps. Et nous on gère, même un voisin que vous connaissez pas, on s'en occupe. Allez, ce reste notre ami. Ah, j'aime bien ça. Skungs, j'adore ça, on est sur énergie. Je rappelle que tout à l'heure j'ai mon gros costume de Pokémon. Et à l'occasion, il y a des enfants des colonies de vacances qui vont me sauter dessus. Je vais vivre l'enfer. Restez jusqu'au bout de l'émission. Les indices vont continuer de tomber. Vous me chopez tout à l'heure, vous gagnez un cadeau. Et dans deux minutes, on aura le super jeu. À tout de suite sur Énergie. On revient. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Music only.

l'émission de France en public tous les soirs, 19h-22h. Je m'appelle Coé, prenez le réflexe, on est de retour, on est là. Il y a plein de jolies filles habillées printanières. C'est vrai, faut en profiter, les gars, parce que dès que l'hiver va arriver. Ouais, mais moi j'aime bien les petites jupes, c'est vrai, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les combinaisons de ski aussi. Mais ça peut être sexy une fille en combinaison de ski. Maintenant, ils en font des belles. Hein. Une fille qui est sexy en combinaison de ski, crois-moi qu'en théorie, elle est à tomber. Parce que c'est dur. Moi, par exemple, tu me mets un pantalon de ski. Putain, mais je ressemble à rien. Attends, quand, il y a deux ans, quand on est parti à Tignes, t'avais acheté le pantalon de ski de Patrick Bruel. C'était vachement bien. Ouais, le mec, il m'a dit, c'est l'argument de vente. C'est le même que Patrick Bruel. J'ai vendu le même à Patrick Bruel. Eh ben, je l'ai acheté. Eh ben, il était bien ce pantalon. Ouais. Tu l'as pas sali, hein? Je sais pas. Non, pas beaucoup. Tu l'as pas usé, hein? Ah, si, il l'a usé sur ta piste noire. Je sais pas où je l'ai mis. Il est descendu sur les fesses. Ah, oui. Je l'ai mis. Un truc très fin, ouais, qui était pas trop gros. C'est bien. Amène-moi le micro à cette demoiselle. Je veux connaître son prénom. Bonjour, mademoiselle. Ah, faut allumer le micro. Pas allumé. Voilà. Le prénom? Non, c'est pas toi, c'est tombé. Chanez. Ah, ça va bien? Oui, ça va. Cette petite robe est très jolie. Pouvez-vous vous lever, vous tourner, s'il vous plaît, que le public vous admire? En plus, elle est toute bronzée. Tournez-vous, regardez, c'est pas joli. Ça, on n'a pas des beaux auditeurs quand même. J'adore. Je vais vous snapchatter de toute beauté. Les gens, faut que les gens voient à quel point vous êtes jolie. Elle est de toute beauté. Merci. Ça va, Hichem? Ça va très bien. Ouais, t'es en forme, mon gars, t'habites où? Sur Nancy. D'accord, ça se passe bien. Tu fais quoi sur Nancy? Ben, je travaille, je suis livreur à vélo. Oh merde, j'espère que c'est pas des frigos, ta mère. Ça, mon gars, pour les faire régime, il n'y a rien de mieux. Ah bah oui. Ou facteur. Ça fait pas diminuer le bide, le vélo, malheureusement. Ah bon? Depuis le temps que j'en fais, j'ai toujours le bide. En théorie, tu brûles des calories en faisant du vélo. Regarde les mecs qui font du cyclisme. Tu brûles des calories, mais pas les graisses, quoi. Les mecs qui font du cyclisme, qui sont en tenue de vélo, souvent ils sont secs. Comme c'est pas permis parce que. Et puis ils ont des abdos. Mais tu muscles que les jambes, en vrai. Tu muscles les jambes, ça, c'est sauf si tu fais quelque chose à côté, quoi. Mais tu brûles le gras, surtout. Si tu fais que du vélo, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que tu bouffes beaucoup? Non, pas spécialement. Tu picoles? Non, du tout. C'est pas normal. Du tout. C'est plus les boissons, c'est plus les cochonneries de tous les jours. Ah, oui, parce que moi, tous les gens que j'ai connus faire du vélo, ils sont secs comme c'est pas permis. Mais s'il fait 2 heures de vélo par jour et qu'il mange tout le reste du temps. Là n'est pas le problème. Hichem va nous énerver sa femme qui s'appelle comment? Neila, très bien. Exactement. Alors, à mon avis, il nous a envoyé un mail, il me fait rire. Tu peux le lire, je suis partant pour une tromperie. il dit, comme je travaille à l'extérieur, il est facile pour moi de rencontrer des filles, ce que tu ne fais jamais, bien sûr. Évidemment. Non, du tout. Du tout. Ma femme est de nature calme, mais pas tout le temps. Elle se garde de faire des commentaires sur telle ou telle chose. Mais est-ce que ça veut dire? Et il me dit, quand elle se vénère, elle balance de belles phrases. Qu'est-ce qui peut la rendre dingue d'après toi? Que tu dises que tu as rencontré une autre fille? Justement, le fait que parce que là, depuis un certain temps, je remarque qu'elle est silencieuse. Elle se garde de dire, je lui demande ce qui se passe. Elle me dit, il n'y a rien de spécial, Et moi, quand elle me dit ça, c'est que je sais qu'il y a quelque chose. Mais Hichem, on est tous les mecs, nous on est tous pareils. Quand d'un seul coup, notre nana, elle ne parle plus du tout et qu'elle fait, Non, il n'y a pas de problème. Ouais. On sait qu'il y a un problème. Tu la regardes, tu fais ça va, il n'y a pas de souci? Non, il n'y a pas de souci. Et moi, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'elle me dise, il n'y a rien, mais elle sait très bien qu'il y a quelque chose. Et tu sais ce qui se passera? On a pas craché le morceau. Ce qui se passera, c'est qu'un jour, elle sera à côté de toi et tu diras, il n'y a rien, elle te dira, d'après toi, pourquoi? Mon gars, t'es dans la merde. Parce que tu reprends toutes tes conneries depuis le début. Tu dis alors laquelle? Ça l'a pas pu le griller. Ça l'a pas pu le griller. Et là, tu dis, je suis désolé, c'était juste une copine. Je te parle pas de ça. Là, t'es dans la merde parce que t'as un son. Les 5 phrases à dire à ta copine. Je pouvais plus le garder pour moi. Voilà, t'es cocu. Ouais. Au moins, une fois par semaine en déplacement, je me tape une meuf. Ouais. Mais j'ai décidé de redevenir sérieux. C'est pour ça que je te dis ça. Bien. Mmh. En même temps, au lit. Tu fais pas rêver. Ouais. Elle fait pas rêver? Si, ça va. Ouais, mais ça va. C'est un petit ça. C'est un peu plat, mais ça va. C'est ce qu'on appelle comment pas rêver. Comment ça, c'est un peu plat? Tu parles de quoi? C'est tous les jours la même chose, quoi. Enfin, pas tous les jours, mais pratiquement à chaque fois, c'est la même chose. Chaque mois, c'est la même chose. Non, pas chaque mois non plus, faut pas abuser,

L'iPhone 7 avant tout le monde, vous l'avez grâce à nous. Et le MacBook Air, mettez Koé au début de votre message. Attention, sinon je ne le verrai pas sur mon écran. Et mettez votre numéro de téléphone. Attention, sinon je ne pourrai pas vous rappeler. Restez là, et juste après on enchaîne le super jeu. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. D'être à une cousinade, t'es content d'être avec eux, tu te confies, tu te marres. Mais t'es bien content que ça se passe pas chez toi tellement c'est le bordel. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Qui pose des questions sur les coupes du. Mais oui, j'essaie de les mettre entre eux, il y en a, ils sont mignons, je me suis dit, j'irais bien couples, ensemble. Hein. Non mais c'est bien, tu vois par exemple la demoiselle qui est jolie comme tout, je dis tu vois le mec à côté, je dis tu voudrais pas, elle me dit bah non c'est mon meilleur ami, je dis mais alors qu'est-ce qu'il y a, il y a pas d'amitié. Y a pas de micro. N'empêche c'est habile comme ça aussi au passage qu'elle est célibataire. Ouais. Non elle a un mec, elle a non, un mec. Non j'ai quelqu'un j'ai dit. Il est où, ah ben il est pas là. Est-ce que est ce quelqu'un t'accompagne à tes soirées à la radio? Est-ce qu'il t'accompagne? Est-ce que quand tu t'es déplacé il a pris soin de t'accompagner pour qu'il ne t'arrive rien? Non. Il s'en branle. C'est toi. Vrai que t'es déjà venu plusieurs non, fois. Non. Tu sais que ça fait 8 ans que je suis avec lui. Regarde ton meilleur ami à côté. Oui, il non. est là. C'est il mon est meilleur. Chaud ami. Patate. Il est prêt à partir d'y dégaine son zizi en 3 secondes. Il attend que ça. Il est dans le rôle du bon copain depuis longtemps. Attends, il n'en peut plus. C'est une bonne info, ça. 95% des meilleurs amis ont qu'une envie, c'est de couper chaud. Hein. Évidemment, bien sûr. Il attend le moment de détresse. Quand ça ira mal, il dira viens. Non, mais pourquoi il vient pas ton copain? Mais parce que c'est pas les mêmes délires, quoi. Et voilà, vous n'êtes pas dans les mêmes délires. Vous n'êtes pas dans les mêmes délires. Alors. C'est pas le bon copain. Bah, en tout cas, ça fait 8 ans que ça dure. Mais ça sert à rien, 8 ans, c'est ridicule. Oh là là. T'avais quel âge quand tu l'as rencontré? J'étais au collège, donc j'avais 14 ans. Oh, ouais. Oh là là, c'est... Alors que le bon copain, il est pas sympa, lui, il est dans les mêmes délires il que toi. Il est là depuis combien de temps, le bon copain ? Regarde, il a la jambe qui bouge tellement il est chaud, ben, il n'arrive pas pareil, à se retenir. C'est pareil, 7 ans. Ah oh là, bon, moi j'essaie d'arranger le public. Hein. Oui, oh, oui. Double hit en attendant. Si vous voulez avoir l'iPhone 7, ouais. En exclu avant sa sortie 6-11-12 en mettant Koé au début de votre message et vous avez l'iPhone 7 et le MacBook Air, mettez Koé, envoyez-nous votre numéro de téléphone et go, on y va. Dans un instant, des nouvelles de... Tout à l'heure, je serai quelque part dans la rue. Si vous me chopez en Pikachu, je vous offrirai des PS4. Pour l'instant, suivez Loris qui va vous donner un indice de là où il sera maintenant. Hichem, t'es prêt? Ouais. T'es passé sur une autoroute pendant qu'on se parlait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce bruit? Non, bah en fait j'ai trouvé le meilleur endroit où je pouvais. Bah où il n'y a pas de bruit, mais c'est pas évident quoi. Ouais, il y a du bruit quand même. Si c'est petit, pour trouver des petits coins tranquilles, c'est assez difficile. Ah non, si c'est petit, il y a quand même des coins tranquilles à Nancy. Bon, mon gars. Le centre-ville de Nancy quoi. Allez, vas-y, bah, balance-moi les phrases que tu vas dire à ta chérie. Alors, je voudrais. Bah je pouvais plus le garder pour moi, bah voilà, t'es cocu. Au moins une fois par semaine en déplacement, je me tapais une meuf. Que ouais, mais j'ai décidé de revenir sérieux. Ouais, j'ai de redevenir sérieux. C'est pour ça que je te dis ça. En même temps, au lit, tu fais pas rêver. Quand je suis sorti avec toi, t'étais super bonne. Aujourd'hui, bah t'es dégueulasse quoi. T'as mis un kit piéton, non? Ouais, t'as pas mis un kit main libre? Si. Ah, ce serait cool que tu l'enlèves. Ouais, ça fait un son pourri. Ça faisait un son, ça faisait un ton tout dégueu. On y va, mon gars. On appelle ta chérie. Et j'espère okay. que ça va gueuler. Et à la fin, vous êtes les potes qui ont. Non, tu seras la bonne copine. Ouais, mais je suis de loin. Non. Julie, tu seras la nana qui l'a rencontrée. Si tu veux, oui. Allez. Ah, démarre bien. Que fait-elle? Je sais pas. Tu devrais te poser des questions. Bonjour, vous êtes sur la... Elle est censée faire quoi, parce là? Parce que déjà qu'elle te parle plus beaucoup, mais elle répond pas au téléphone. Non, mais sais, syndrome appel masqué. Ouais. Eh, on y retourne. Tu lui as dit que tu l'appelais? Ouais, bah oui. On y retourne. Allô? Oui. Attends-toi. Salut. Ah, ouais, c'est moi. Donc, ça va? Tranquille? Ben, j'ai un problème avec le téléphone, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà, c'est le bordel. Mais ça, c'est pas le problème. Donc, je voulais juste, déjà, avant, tu me parles sur un autre ton la prochaine fois, quand je t'appelle, d'accord? Tu gueules pas, ça je l'ai dit plusieurs fois. Et depuis un certain temps, je vois que ben ça va pas. Donc, du coup, je pouvais plus le garder pour moi, et ben voilà, je te le dis, ben, t'es cocu, je t'ai trempé, quoi. Bah oui, je t'ai trempé avec une autre fille parce que voilà, bah parce qu'en même temps au lit, voilà, tu fais pas rêver quoi. Hein? Allô? Oui, ouais. Voilà, je suis un peu sur les nerfs, je suis un peu stressé de balancer ça comme ça, mais voilà quoi. Ouais, c'est elle, c'est la fille qui m'avait appelé tout à l'heure, ouais. Bah, je l'ai rencontrée ici sur Nancy, on a sympathisé un peu. Alors, en fait, je l'ai livrée une fois et on a sympathisé, et voilà, de fil en aiguille, bah... Voilà. Et au début, quand j'étais... Ouais, bah voilà. Ouais, parce que... Voilà, quand on était ensemble, quand j'étais sorti avec toi... Bah, t'étais super bonne, quoi. Et aujourd'hui, franchement, t'es dégueulasse, quoi. T'es limite dégueulasse. Ok, c'est né, là, le bec. Hein? D'accord, ben, juste essaie de parler en français, s'il te plaît, parce que là... Je sais pas. C'est quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'en ai marre de toi au fait, j'en ai ma claque, j'ai envie de changer. T'es sérieux? Voilà. Hicham, c'est Neil, tu sais que c'est moi? T'es sérieux? Mais Est-ce que tu peux juste t'exprimer en français et éviter de parler en arabe? S'il te plaît. T'es avec qui là? Tu me dis juste t'es avec qui? Je suis avec personne, je suis tout seul. Non, je suis tout seul. Hicham, t'es Hicham? Ben, à vrai dire, ouais, ben, je suis avec elle et c'est pour ça que, voilà, elle prend pas trop. Je ne me rappelle plus. Tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie, je sais pas moi, qu'est-ce que je sais pas, une goule, Khambouk. Mais non, dans les belles français, Noël, ou Oui, mais c'est parce que justement, j'ai décidé de revenir au sérieux, donc c'est pour ça que je t'ai dit ça, je regrette en quelque sorte ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que, voilà quoi, je te le dis. Tu te fous de ma gueule? Bah non, je me fous pas de ta gueule, je suis sérieux. Et là, tu te fous de ma gueule? Bah non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me dis ça par téléphone. Comment ça, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, je te dis par téléphone, mais réagis quoi. Mais je sais pas, moi, dis quelque chose, parle, exprime-toi. J'ai rien à dire, Hicham, j'ai rien à dire. Mais comment ça, t'as rien à dire, tu trouves? Bébé, c'est normal pour toi. Chérie, tu viens, s'il te plaît? Ah, pardon, c'est au téléphone, j'ai pas fait attention. Ben oui, je parle au téléphone. Tu viens, parce que tu peux raccrocher. Attends, j'éclaircis les choses avec elle et attends. D'accord. T'es avec elle? T'es avec la grosse? Bah oui, je suis avec elle, mais je t'ai dit que j'étais avec elle. C'est la grosse? La grosse, Anaïs, c'est la grosse. Hicham, Allah yhennik, Allah yhedik. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais parle en français, elle comprend pas. Elle croit qu'elle est contre toi. Mais si elle m'insulte, je m'en fous. Et la grosse, elle va se calmer là. Il y a un moment où il faut qu'elle arrête. Hein. Je suis avec toi. Hein. Je suis sa femme. Oui, mais on plus est pour mariés, longtemps. Il se fait chier avec toi. Hey, plus pour longtemps. Déjà, c'est plat avec toi, Oli. Déjà, tu me parles pas. Pourquoi je te parle pas? Mais non, c'était une pute, tu me parles pas. Quoi? Moi, je suis une pute. Tu rigoles ou quoi? Il se fait chier avec toi, Oli. Il en a rien à faire de toi. Il fait ça une fois tous les mois. C'est plat. Il dit que c'est plat. Il se plaint. Vas-y. Fais-lui ce que tu veux. Parce que c'est ça l'essentiel dans la vie. C'est ça. C'est le cul. Ah bah pour lui, en tout cas, c'est ce qui compte. Hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Eh ben, fais-lui plaisir. Il en a rien à faire des enfants, de se marier et tout ça. Hein. Pour lui, c'est le sexe qui compte. Il va te faire. Hicham Hambouk, Allah yhennik, Allah yhedik. Moi, je sais pas ce que tu veux. Chakhsak menni Hambouk. Donc, Ayatli, qu'est-ce que tu veux de moi? Parle français pour qu'elle te comprenne, pour qu'elle comprenne notre situation. Mais t'insultes pas, mec. Arrête de l'insulter, là. Arrête de l'insulter. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Je veux le récupérer, Hicham, il est pour moi. Hicham, il est pour toi. Oui, il est pour moi, je suis sa femme. Il veut m'épouser. Il veut t'épouser. Oui, il m'a dit que Lit était nul. Donc maintenant, il veut que moi, il a Dieu que pour moi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'avait Dieu que pour moi aussi à un certain moment. Et puis... Bah maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui compte dans sa vie. Bah... Oui, bonsoir. Je suis le modérateur de la mollesse. On est sous une tension de on est à moins de 2, on me dit. Ah là, ouais. Donc on dit que c'est perdu? Oui, on dirait que c'est... Oh non, comment pas? La pauvre, après. Bon, d'accord. Bon, c'est gagné. Okay. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec énergie, it's music only. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Britney Spears. Découvrez Glory, le nouvel album de la reine de la pop. Britney Spears. Son nouvel album, maintenant disponible. Cahier, classeur, stylo, compas, double décimètre... C'est bon, t'as tout ? Bah, je crois. Non, tu n'as pas tout. Moi, j'ai pensé à prendre un forfait mobile free à 2 euros par mois. Ah oui ? Il y a quoi dans ce forfait ? Eh ben, 2 heures d'appel, SMS et MMS illimité, 50 mégas d'internet en 4G, le tout sans engagement. 2 euros, c'est le prix du tube de colle, t'imagines ? Ah, c'est même 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Difficile de faire moins cher. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Merci qui ? Merci Free. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le faux filet de bœuf charolais de 200 grammes à griller à 3,70€ chez Leclerc. Du 31 août au 2 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le faux filet de bœuf charolais 3 étoiles à griller de 200 grammes, origine France, à 3,70€, soit 18,50€ le kilo. Inutile de résister. Du faux filet comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Lui célibataire, à la recherche de l'amour. Ce que j'aime avant tout, c'est les femmes, les femmes et les femmes. Tant que ça se mange, je croque. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Leurs ex vont débarquer. On était au paradis, pas d'orage à l'horizon. Et là, on dirait que l'enfer est en train d'arriver. Ils pensaient avoir tourné la page. Ce n'est peut-être pas le cas. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Pendant ce temps, chez Renault Service. Allô chérie ? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Ouais, je sais, c'est trop bête. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super ! La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Bien, n'oubliez pas que d'un moment à l'autre, on va se retrouver quelque part dans Paris en Pikachu. Ouais. Et ça va être une tuerie parce que vous allez, si vous me chopez, vous avez des PS4 que j'aurai sur moi. Ah bah, j'en aurai pas non plus 50. Dans le costume. Hein. Ouais. Mais voilà, on a besoin des nouvelles de Loris oui, ou pas ? Bien sûr. Ah, d'accord, je vais remettre un jingle. Je vais remettre un jingle. J'ai allumé, ça y est. Merci. Loris ! Oui ! Ça va ? T'as vu, t'as ton jingle c'est à chaque énorme. Fois. Hein. Ah non, c'était énorme et on a vraiment des gens qui nous ont suivis, on les a semés encore une fois, hein. C'est chaud. Hein. Alors, mais il y a un moment, il va falloir quand même qu'il y ait des gens, Lolo. Ouais. Il les sème, tu sais, mais les pauvres. Ouais, c'est-à-dire que si tu sèmes tout le monde, à un moment qu'il n'y a personne, on n'a pas l'air con. Ouais, c'est ça. Le gars, il veut se garder les PS4 pour lui. L'indice de là où tu es maintenant. Alors, bon, là, je suis sur une place immense. Ouais. Ouais. Il y a un grand truc tout droit au milieu. Ouais. Oui. Je crois que ça s'appelle un obélix. Un obélix. Non, c'est un obélix. Non, je crois pas que ça s'appelle un obélix. C'est pas loin, mais c'est pas un obélix. Comment tu dirais, toi ? Un obélix. C'est quoi ? Non, Loris, c'est presque. Réfléchis. Il y a une grande roue derrière, alors. Non, mais. Réfléchis. Comment ça s'appelle ? Hein ? Un obé. Un idée fixe ? Non. Comment ça s'appelle, hein ? Je sais pas. Ah, dis-le. Un. Je sais pas. un obélix. Mais non, mais laisse le faire. Redis-le. C'est un obélix. C'est un obélix. C'est-à-dire que c'est un gros gaulois avec un menhir dans le dos, c'est ça? Non, c'est un. Il comprend vraiment pas, c'est ça qui est un obélisque, pas un obélix. Quoi? Un obélisque, comme disque à la fin. Ah, c'est pareil. Non. C'est un mot totalement différent. Non, je t'assure, tu passerais un contrôle ou un machin, tu dirais c'est un obélix, t'as l'air d'un con. C'est clair. Non. Bon, alors donc c'est un obélisque. Un obélisque. Voilà. Un obélisque. Très connu, obélisque. Où il y a des voitures qui tournent autour. Voilà. Ah, ça, et une grande roue derrière. Et une grande roue. Ça veut dire que ça se rapproche de l'endroit où je serai en Pikachu. Ouais. On se rapproche. Je pense que ça concorde un peu. Allez. Bien joué. Bravo. bravo, bien joué mon gars. Bon, ça peut passer. Allez, tout à l'heure on fera un dossier spécial colocation. Allez, jingle, s'il vous plaît. Allez, jingle. Comment jingle. Okay. Jingle. Attends, bouge pas, bouge pas. Voilà, merci, à tout merci, à l'heure. Très bien, ça me fait plaisir, c'est moi. N'oubliez pas qu'après Willy William, on se fera un dossier sur la coloc. Oui. Ouais. Vous nous direz vos galères, si tout se passe bien, si vous cherchez, si vous avez pas trouvé, si vous cherchez une Suédoise, 1m70. Souvent, c'est ça. Nymphomane, hein. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Et on aura la petite Capucine qui sera là dans un instant, qui part, on en parlera. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Bientôt être en bien qui vont reprendre, il y en a qui reprennent tôt et puis il y en a qui reprennent un peu plus tard. Il y a toujours ceux qui redémarrent le 1er octobre, puis il y a ceux qui démarrent au mois de septembre. Oui. Les étudiants, ça démarre jamais au même moment. Qui a fait de la coloc dans le public? Il y en a déjà qui ont fait de la coloc. Ah, dans le fond, amène le micro dans le fond. Voir si ça s'est bien passé ou pas. Parce que la coloc, moi, par exemple, je sais que je crois que j'aurais pas supporté. Moi, j'aurais pu, mais j'en ai jamais fait. Ah, moi, je pourrais pas. Moi non plus. Le prénom pas. Tony. Ça a été Tony. Nickel. T'as fait la coloc. T'es encore en coloc? Non. Je suis marié maintenant, j'ai un enfant. D'accord, excuse-moi, d'ici. L'agression. T'as été en coloc combien de temps? Même pas un an. Alors, c'est cool ou c'est... C'est bien. Ah, t'as kiffé? Ouais. Mais avec qui avec toi? Un ancien collègue et ami. Ah, donc c'était des gens que tu connaissais déjà avant? Ouais. Ouais. Ouais, je crois que le plus dur, c'est quand tu prends, quand tu fais rentrer des gens dans un groupe que tu ne connais pas. Ou même, quand il y a des colocs qui se font toutes seules avec 4-5 personnes qui ne se connaissent pas du tout à la base, quoi. Moi, et là, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Ah, toi? Moi, je pourrais pas. Mais toi, chiante comme t'es, mais c'est un truc. Ah, non, mais je pense que c'est toujours les mêmes qui font la cuisine, c'est toujours les mêmes qui font le ménage, c'est toujours. Je pense que ça se passe exactement comme ça. Mettre en place des roulements après. Ouais, ah, faut mettre en place des règles. La vie en communauté. Ah, et puis te laver dans la même douche que les autres et tout. Ah, ça, c'est le principe, Julie, oui, il n'y a pas forcément une douche par personne. Ah, je sais, mais j'aurais du mal. Mais tu aurais du mal à te doucher dans une douche où quelqu'un d'autre s'est douché? Ah oui, si je connais pas les gens, oui. Ah bon? Ah oui. Et la piscine, tu fais comment? Ah ben j'ai... Bah là, sa douche. Elle vient avec sa cabine de douche, la piscine, elle la pose. Je vais rarement à la piscine municipale, je peux pas. Oh, mettre les pieds dans le pédiluve. Oui, que dans les piscines partout où c'est privé, c'est cheap. C'est privé, oui. Voilà. Dans les municipales, oh là là. Avec les pauvres. Avec le peuple. Mais non, avec pas du tout. Mais non, mais je trouve ça sale, la piscine. Je trouve ça vraiment sale parce que tous les gens ne prennent pas forcément la douche pour aller dans la piscine. Il y a du chlore. Et les gens, ils ont transpiré et tout, ils ne savent pas. Oui, mais il y a tellement de produits dans la piscine. Ah ouais, mais tu mets la tête sous l'eau et tout ça. Ça m'insulte. Mettre les pieds dans le pédiluve à la piscine. Ah, ça, c'est un défi. Il y a des piscines municipales qui sont super propres. Les gens vont nager et tout, elles sont super propres. Il y a des contrôles tous les jours. D'imaginer que les gens ne se sont pas lavés quand je vais dans la piscine, ça me dégoûte. Et ceux qui font pipi. Ah ouais, ceux qui. Ah, mais il y a des gens qui font pipi dans ta douche. Moi, j'ai fait pipi dans ta douche. Moi, je fais dans toutes les douches. Moi, j'ai fait pipi par. Oui, aussi, dans ta douche aussi. Comment ça, dans ma douche je m'étais trompé une fois. Je vais dans la douche, j'ai fini. Non, toi, t'as fait pipi sur moi, c'est pire. C'est dégueulasse. Eux, leur jeu. C'est quoi ce délire? Leur jeu, c'est quand on est dans une piscine, ils se collent à moi, ils font pipi. C'est dégueulasse. C'est marrant. C'est dégueulasse. Tu dis, on va faire un petit câlin. Et là, c'est chaud. Il y a toujours un petit temps qui arrive, tu sais. C'est dégueulasse. C'est leur jeu préféré. C'est dégoûtant. Ça me dégoûte. Et après, je me frotte. Oh, ça te dégoûte. Ça je te me dégoûte. Fais des gommages et tu tout. Quittes rarement l'eau tout de suite. Hein. Ouais. Bah non, mais qu'est-ce que je fasse en même temps? Bon, là, n'est pas le sujet. Là, n'est pas le sujet. On n'est pas obligé de tout raconter. Non. Jean? Oui, bonsoir. Salut, Jean. Comment ça va? Alors, la coloc, allez, on en parle. On y va. Ah, bah, moi, la coloc, je l'ai fait pendant 4 ans avec mon meilleur pote. Donc on avait une grande maison à deux, donc on habite dans les Vosges, on avait une grande maison à deux. Et du coup on a fait pas mal de choses voilà, un peu intéressantes. On a eu des hauts, des bas, mais beaucoup de hauts. Donc voilà, on a partagé nos ex, Ah ouais, c'est ça la coloc. Ouais, pas mal. Ah, vous avez fait ça, ouais. Comment c'est possible ça? De quoi? Tu vis avec nous, c'était un peu particulier avec mon pote, donc on n'avait aucune ambiguïté, donc. T'imagines, voilà, tu vis avec ton ex et ton meilleur pote se tape ton ex. Ouais, donc elle revient. On était jeunes, hein. Elle revient. Attends, hein. Elle revient, mais pas pour toi. Ouais. Ah ouais. Là là. Bah, si, on s'est fait chacun notre tour. Ça veut dire qu'elle dort avec lui dans la chambre et au réveil, tu vois ton ex qui est là, qui prend le petit déjeuner. Je vais te dire un truc, ça c'est très personnel, j'ai l'impression, chez toi. Moi, une ex, mais il peut y avoir n'importe qui est avec elle, j'en ai plus rien à foutre. Une ex, c'est une ex. Enfin, tu vas pas. Mais c'est dérangeant. Toi, Julie, t'es du genre à bloquer quand tu revois un ex. Ça te dérangerait que. Bah, qu'il fasse des trucs. Ouais, d'imaginer que ça peut te faire avec une nana. Bah, ouais, mais même si je. S'en fout, lui, que tu sois avec un autre. Ouais, mais ça me met mal à l'aise de savoir qu'il a couché avec une autre nana dans la chambre d'à côté. Alors, par respect. Mais respect de quoi? T'es plus avec. Bah, respect pour son ex. Mais il n'y a pas de respect pour l'ex, ça n'existe pas du respect. Il y a ex, quoi. Il n'y a pas non plus. On n'avait pas d'enfant avec. Non, mais en plus, excuse-moi, Jean, je te soutiens. Il y a respect pour sa nana. Mais respect pour son ex, ça n'existe pas, respect pour une ex. C'est quand même un peu tordu, excuse-moi, t'as vécu plusieurs années avec quelqu'un et la meuf, elle revient dans ta maison, mais pas pour toi, pour dormir avec ton pote, avec ton coloc. Excusez-moi, est-ce que le garçon Jean a l'air de trouver ça tordu? Bah non, mais il y en a plein des histoires comme ça, mais ça reste un peu tordu quand même. Oui. Vous avez fait des trucs plus de ouf que ça ou pas? Oui. Ah, attends, regarde-les, on en parle dans un instant. Non, ne bouge pas, on en parle dans un instant. À tout de suite, plus plein de gens. Qu'est-ce qu'on écoute? LP. Ah, ça j'adore. Elle est notre invitée dans quelques jours. Oui. J'adore cette chanson. I'm not on you. Ah, oh. Ça fait partie des chansons qu'on chante mal sous la douche. Oui, on connaît exactement. Pas les paroles, mais c'est vachement bien. LP. Un L et un P. Ouais. Retenez bien cette chanson. Montez le son. On est sur Énergie. Je m'appelle Koé. Tout à l'heure, je deviendrai Pikachu. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? I'll never get to heaven 'cause I see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Coloc, il y a une demoiselle que l'on voulait faire venir parce que elle va faire une web série sur les oui. colocs. Ouais. Donc comme on la connaît depuis quelques années, que Pietre, t'es un fond dessus un peu ou non, non, pas du tout, jamais. Oh, arrête, alors bah, vous début. Pourrez lui demander. T'as été un peu à fond dessus. Ah, au début. Arrête, t'as été un peu dessus. Capucine, viens, applaudissez-la s'il vous plaît. Vous êtes toute timide, ouais. Regarde. Ça va? Ça va, justement. J'étais en train de dire, est-ce que Pietre t'a un peu dragué au début? J'ai dit la vérité. Ah, au tout début peut-être. Ah oui, il m'a demandé mon numéro à Mathieu Delormeau. Ah ouais, oui, c'est vrai, comme ça, je l'ai dit. Mais si, tu viens pas, on avait fait tout un truc. T'es un gros chacal. Ouais, mais ans. Depuis, il est... Mais arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ouais, mais maintenant, ça va, j'ai mis les choses au clair et... Ouais, mais c'est pas parce que t'as mis les choses au clair qu'il ne te lâchera jamais l'affaire. Non, il sera non. là, tapis dans l'ombre. Si un jour il y a un souci, hop, il est comme ça, il y a un problème. Non, mais je l'adore, Pietre. Alors. Je l'adore vraiment. Mais c'est pas fait, c'est pas cuit. C'est mon pote. Non, c'est surtout il serait un petit peu plus jeune. Ouais, parce qu'il est un peu vieux, excusez-moi, mais. C'est surtout que t'es passé dans la case du bon copain. Ouais, ouais, c'est ça. Et le truc est mort. Et bah non, je suis pas d'accord. Ah bon? Bah ouais. Pourquoi? Parce que l'amour, elle vient un petit peu comme ça aussi. L'amour vient un peu comme ça. Ah, tu nous redonnes espoir sur certains, parce qu'il y en a plein. J'en ai plein des doses comme ça. Là, ce soir, il va sortir de l'émission, il va rappeler alors plein de gens. Alors, je rappelle. Où il pensait de passer du bon côté, du côté copain, il se dit, ah, c'est pas mort, c'est pas mort. Bon, bienvenue dans l'émission, en tout merci, cas. Merci beaucoup de me recevoir. Franchement, je suis une grande fan de ton émission depuis longtemps. Donc merci. Moi aussi. Ah, bon, moi aussi. Je suis un très grand fan de mon émission. Je suis... Alors, on disait qu'il y a une web-série que tu allais faire sur la coloc qui va sortir dimanche. Oui, ça sort dimanche sur YouTube et MikeTF1.fr. Oh, c'est bien ça. Ouais, j'ai signé aujourd'hui, donc je suis refaite, je le place, tu vois. C'est bien, c'est cool ouais. ça. Très bien, vous avez fait combien d'épisodes? On en a fait 9 pour la saison 1. Ouais. Qui sera diffusé tous les 15 jours le dimanche. Et voilà. Ah, vous avez déjà tout tourné? On a déjà tout tourné, tout est en boîte. Ouais. C'est bien ça. D'accord. Ça, vous êtes tranquille maintenant. Et c'est moi la productrice. Madame la productrice. C'est bien. Bon, qui est avec toi? Oui. Alors, mes deux comédiens principaux, justement, Thibaut Duboucher, qui a le rôle de Thomas, et Anthony Sansage, qui a le rôle de Ben. On est bonsoir. Trois colocs. Bonjour. Bienvenue. Alors, comment ça se passe? Comment vous êtes rencontrés? Vous connaissiez d'avant? Non, casting. Attends. T'as fait des castings? Bah, bien sûr. La productrice. Et alors, est-ce qu'on t'a demandé de faire des choses devant un caméscope pour avoir. Arrête, on parle pas moi, malade. Non. J'ai rien dit, enfin. Je vous trouve un peu. Mais enfin. Il a rien dit. J'ai demandé de faire un bout d'essai. Vous avez l'esprit mal placé maintenant, hein. plus. Si on peut plus. Toi, t'avais compris, toi, t'es pas l'espoir du gars. Non, j'avais compris, j'avais compris. Non, mais alors pourquoi tu les as choisis eux pour le coup? Bah, un casting. Oui, mais pourquoi eux? Il y avait pas mieux. Bah, il y avait qu'eux. Et surtout qu'eux. Ils sont venus que tous les deux au casting, donc j'avais pas le choix. Et c'est dit combien ils m'en faut? Et bah, deux. Bah, parce que c'est eux qui prenaient les moins chers, donc voilà. Parce que c'était payé, ils étaient payés, ils ont pris un cachet. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr. Ah, mais ça t'a coûté des sous. Et bah, j'ai investi beaucoup, c'est pour ça que j'espère que ça va marcher, parce que c'est mon argent et j'espère que ça va rentabiliser. Ah ouais. Bah ouais. Ah, t'as sorti des sous et tout. Bah, l'argent que j'avais gagné dans Secret, j'avais mis de côté exprès parce que c'est une idée que j'ai depuis 4 ans. Working girl, c'est une business woman. Bah, alors tu sais quoi, rien que pour ça, je souhaite que ça marche. Parce que quand on met des sous et tout, machin, c'est important. Ça veut dire que c'est pas juste dans une chambre devant un appareil photo qui tourne où on dit je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Non, tourner de 8h à 22h, on a un réalisateur Arnaud Mison au top, on a un ingé son. Ah non, un vrai tournage. Il y a une bonne prod. Hein. Moi, j'ai vu le premier épisode en avant-première et franchement, c'est hyper bien produit. Merci. C'est bien fait. C'est vrai. Et ils jouent bien les deux ou pas, Julie? Toi, t'as vu l'épisode? Non. Ah non. Allez, on en parle. Je les ai vus tout à l'heure. Alors, t'en as pensé quoi? C'était bidon. Non, c'est très drôle. Franchement, c'est vraiment drôle. Non, mais contrairement à moi, c'est des vrais comédiens. Moi, c'était la première fois, donc. On est toujours surpris, vraiment. Ah. On est toujours, il faut bien une première fois. C'est vrai. Pour faire un truc, même les comédiens, ils ont bien été premiers comédiens sur un truc. Oui, c'est vrai. Faut bien essayer, bougez pas, on va revenir dans un instant. Tiens, on va finir avec notre copain Jean, qui lui a été en coloc, il disait qu'il avait fait plein de trucs avec son pote Jean. Je te présente Capucine. Oui. Salut Jean. Je te présente Anthony, je te présente Thibaut. Voilà, les trois, salut. Tu les verras dimanche sur la web série. Dimanche, donc, comment c'est quoi le rendez-vous? Il y a une heure pile? Oui, à 18h sur YouTube et à 20h sur mytf1.fr. D'accord. Okay. Voilà. Et la chaîne YouTube, c'est quoi du coup? En coloc. Un truc, d'accord, où il y a des vidéos dessus. Mais non, c'est Et t'as un petit logo play, t'as une barre d'espace, je peux l'arrêter, t'as une pub avant. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Voilà. Jean, par exemple, qu'est-ce que t'as fait avec ton coloc? Oula, à part avec mes ex, ça a été une fois. Bah, à l'époque, on avait le, je sais pas si vous vous rappelez, le chat sur énergie. Le quoi? On avait un chat énergie. Ouais. C'était un chat énergie et du coup, il y avait chat, voilà, des rencontres. Voilà. Il y a 10 ans, ça, donc c'était un chat énergie. Ah oui, et du coup, il y avait des lits, on disait, voilà, avec mon pote, avec mon coloc, on disait, ben, on cherche femme pour une soirée. Et puis, du coup, ben, ça s'est fait. Dans les Vosges, je te rappelle, il habite dans les Vosges. Ouais. Ah, t'as réussi à trouver. Dire cherche une femme pour deux mecs dans les Vosges. Pas un arbre, hein, une femme. Pas un animal, hein, une femme. Dans les Vosges, on est un peu chaud lapin. Il oui, bah enfin, faut bien qu'on se réchauffe. Hein. Ouais, tu peux être chaud lapin, mais tu trouves pas ce que tu veux. Oh, si, on arrive. Et alors, c'était bien? Ouais, c'était pas mal. Donc, voilà, on a eu des bons côtés. On a eu aussi des mauvais, parce qu'on a refait l'expérience et c'est pas bien passé du tout. Ça a été une catastrophe. Pourquoi? Bah, surtout que la gonzesse, la gonzesse était pas très, très propre, quoi. Donc, tu vois, c'est mais à la base, c'est un sujet colloque, pas un sujet échangiste. Ouais, je suis sûr qu'il va y avoir des épisodes où ça va parler de sexe. Évidemment. Mais obligatoirement. Quand t'es dans une colloque, il y a forcément du sexe. Bah, c'est évident. En même temps, c'est évident. Quand t'as une colloque, t'as toujours des histoires de cul qui se passent bien ou qui se passent mal. Ou qui embrouillent les colloques entre eux. T'as toujours des trucs comme ça. Voici Soprano sur Énergie. On aura des nouvelles de Pépère dans un instant. Oui, oui, bien sûr. Si vous m'attrapez en Pokémon dans la rue dans quelques minutes, avec un Obélix, c'est pas très loin. Écoutez-nous, je vais vous offrir des cadeaux. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nucarde. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis en feu. Équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand plongeur.

sets me on fire. Take you away, far from what you know. Take me away to my golden throne. Close your eyes, you're fine, blink twice. Take a hit, let it sink in. Dans la, en coloc qui va sortir donc dimanche 18h sur YouTube et 20h sur MyTF. Hein, mais bravo. J'arrive à retenir 2-3 trucs. T'arrives à retenir le principal, c'est ce qui compte. Ouais, bah, tu vois, mais j'ai vite oublié. Ouais. Hein, mais par contre, je retiens assez vite. Bon, gagnant double hit et ensuite on va prendre des nouvelles du dresseur de Pokémon parce qu'après il va falloir que je parte. Ouais, il y a un moment, il va falloir gagner. Il y a un moment, hein. Il va falloir que je parte. Je vais vous laisser là. Je vais partir. J'ai un planifié. Il a un costume énorme. Gagnant double hit pour démarrer, ouais. À gagner, il y a un iPhone 7. Et un MacBook Air. Wow. Ouais. Allô. On les fait fabriquer par des petits Chinois dans le monde. Allô. Allô. Oui. Marianne. Oui. 17 ans à Mulhouse. Oui. Ça va, Marianne? Ça va, oui. Ah, tu parles toujours comme ça, Marianne. Tu sais qu'avec la qualité que c'est sur un iPhone 7, tu vas tuer le mec en communication. Ah ouais. Hein. Ah. La radio, là. Marianne. Oui. Ma chérie, tu nous as envoyé un SMS. Oui. T'as entendu le double hit? Oui. Eh ben, bonne nouvelle, tu gagnes l'iPhone 7 et le MacBook Air. C'est pas un gros bisou. À son bac français, elle a fait l'oral comme ça aussi. Je t'embrasse. Bisous, ma belle. Elle a fait des accidents, je crois. À bientôt, mais elle est contente, elle a un iPhone 7, c'est beau, non? Et un MacBook Air. Mais arrête, ah ouais, je bloque sur l'iPhone 7 parce que c'est super bien. Ça coûte plus cher un MacBook Air qu'un iPhone 7. Je suis pas sûr. Moi aussi, je peux te faire des. Pas sûr. Ah, bah, bien sûr. Un MacBook Air, c'est moins de 1000 euros et un iPhone 7, c'est plus de 1000 euros. Ouais. Bah non, je pense que l'iPhone 7 est plus cher. L'iPhone 7, il a plus de 1000 euros. Le MacBook Air, c'est. Le Pro est à 1005. Ah, c'est toi le geek de la série, ouais. C'est ça. Et tu comprends pourquoi il a été pris, hein. Donc les mecs ont dit très bien, tu es le rôle, nickel, on y croit tout de suite. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais Fanny. Ah non, je fais Loris. Attention, excusez-moi. Je prends Loris, donc il y a un moment donné, jingle. Attrapez-les tous. Loris. Énorme, j'adore. Il est trop content dès qu'il a son générique. Alors, Loris. À distance. Où es-tu cette fois-ci? Attention, dernier indice, c'est le dernier là. Après, moi, je prends mon scooter et je vous rejoins et je me transforme en Pikachu. Quelque part dans Paris, mon costume de Pikachu m'attend. Et Loris, Sacha Loris te libérera. Et si vous me chopez, je vous offre des PS4 que j'ai vraiment. Voilà. Ouais. Et t'auras dans les bras. Donc les faites pas tomber. J'espère que je vais pas me faire massacrer. Fais gaffe, je joue à Pokémon. Hein. C'est vrai, ouais. Et tu pourras peut-être m'attraper en vrai. Ah, j'espère. Attention, Loris, un indice. Alors, sexuel, hein. Je suis tout à fait sous le monument, mais je peux le rejoindre si vous m'y autorisez en fait. Ouais, vas-y, c'est quoi le monument? Bah, faut pas dire. Le monument, c'est l'Arc de Triomphe, il y a un passage de 40 mètres. Ils sont durs, des indices. Hein, c'est le mec, il est censé donner des indices. Loris, en fait, il dit oui. T'étais pas censé dire que c'était un endroit où il y avait une flamme et un soldat inconnu? Ouais, mais j'avais pas compris la vanne. C'est pas une vanne. C'est, il y a vraiment une flamme et un soldat inconnu. C'est une tombe. Ah oui, effectivement. Excuse-moi, entre ça et l'obélix, t'en es où au niveau école? T'as été loin ou pas, Loris? Faut qu'on se parle. Juste bac STG. Ah ouais, bah t'as raté 2-3 trucs. Cool. Hein. Bon. Et donc, attention, donc c'est dans ce coin-là, mais ça n'est pas l'endroit final. Non. Ça se rapproche. Je reste dans le quartier. Mais ça se rapproche. Bravo, on laisse son téléphone portable, Capucine. Bravo, allez, du haut niveau. Mickaël, là, le soir, il me dit ferme ta gueule. Alors, du haut niveau, il a raison, il a raison. Et il a rajouté un indice, hein, vous n'avez pas entendu. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Loris ? Je vais rester dans le quartier. Tu vas rester dans le quartier. Dans le quartier. Fanny, ça va, Fanny ? On termine le dossier coloc, Fanny. Oui, ça va. Alors moi, ma coloc, ça s'est très très mal passé parce que en fait, j'étais avec une fille que je connaissais pas au début. Chercher une coloc en fait, justement bah, pour payer moins cher quoi. Oui, c'est le but hein, généralement. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte qu'elle me piquait mes fringues. Non. Mais faut jamais se mettre en coloc avec. Les prochains épisodes. Ouais. Tu m'étonnes. Moi ça va, je suis tranquille, je suis avec deux mecs. Ouais, et puis c'est pas piquer tes fringues, c'est bizarre. Il y en a un des mecs qui lui pique. Qui est avec qui dans la série? Ah, tu verras. On regarde ça. Ah, on peut pas dire. Non, à deux jours que c'est ça. Tu penses quoi toi? Attends. Ouais, je te verrai bien avec un petit jeune homme Anthony. Ah. Bah, on verra. Il y en a un des deux qui aimerait bien la pécho. Il y en a un qui a le béguin. Ah, on va pas dire qui, mais. D'accord, je dis ça bien. Comme Pietre. J'aurais dû prendre Pietre en fait. Ouais. Non, il est mauvais. Non, la méchanceté gratuite. Un jeu. Il est pas mauvais du tout. Alors, excuse-moi, j'ai tourné plein de séquences avec Pietre, il est pas mauvais. Autant, je suis très mauvaise. Merci. C'est ce que je ne voulais pas le dire, mais. Autant, j'en connais une qui est pas foutue de dire un mot qui sonne juste, mais lui, il est bon. Même Capu, on a fait des trucs comme ça. Ouais, il est hyper bon. Pietre, il est bon, il est assez naturel. Non, Pietre, il est pas mauvais. Il est assez naturel, ouais. Donc, tu prends ton siège, là, ta robe de chirurgie, là, tu vas te faire opérer dans le couloir. Par contre, Julie. Je trouve qu'il surjoue, moi, Pietre. Écoute, le talent, il est mais là. Julie est bien placée pour donner des leçons. Moi, je joue très mal. Non, mais moi, j'avoue. Ah, je suis incapable de jouer. Donc, je sais très bien. Moi, je pense que le cours Florent, qui vient de prendre une étude sur toi. Je suis incapable de jouer. Je suis pas comédienne. Faut pas faire. Bon, et je vais te prendre en guest. Elle te piquait les fringues. Prends du temps. Oui, c'est ça. Elle te piquait des fringues et quoi d'autre? Bah, elle me piquait toutes mes fringues. Que ce soit les fringues et les sous-vêtements. Mais elle les cachait où, du coup, vu que tu habitais avec elle? Elle les remettait pas devant toi, c'est ça que je veux dire? Si, elle les mettait devant moi. Elle les portait pas. Ouais, et tu lui disais rien. Au bout d'un moment, au début, j'ai cru qu'elle avait les mêmes fringues que moi. Et après, je me suis rendu compte que mes fringues disparaissaient de mon placard. Et c'est là que je me suis dit, bon, on va peut-être falloir faire quelque chose. Ça fout la mort, ça. Et du coup, tu lui as dit quoi? Bah, de rechanger de chambre, comme ça, ses fringues étaient déjà dans la chambre à côté. Non. Non, mais après, ce qu'il y a, c'est que, bah voilà, après, je lui ai dit de dégager. C'était clair et net. Voilà. T'as récupéré tes fringues. Voilà. Oui, j'ai récupéré mes fringues. Ah, elle s'est fait foutre dehors, vous pouvez plus payer le loyer. Donc, oui, mais j'ai mes vêtements. Je te fais un gros bisou, Fanny. Je t'embrasse fort, ma chérie. Oui, gros bisous. À bientôt. C'est maintenant que je vous laisse? C'est là, parce que, non. Tu veux y aller là, ok. Bah, Julie, l'émission elle finit à 22h. Si tu veux que j'y aille, on est sur. Oui, je pense qu'on a 5 minutes quand même. C'est un endroit où il y a un soldat inconnu avec une flamme. Mm-hmm. Et il est dans le quartier. Ah, d'accord. Ouais. C'est dans le quartier, donc faut le temps que j'y aille. Ah, on avait un petit truc avec le public et tout, mais on a 5 minutes. Hein. Mais on le fait dans un instant, alors, okay. Ou tout de suite. Alors, moi, je l'aurais fait tout de suite. Ouais. Ah, bah alors vous allez kiffer. Ouais. Ah, c'est très bien. Quand il dit ça, généralement, c'est que ça va être l'inverse. Ça fait un petit peu flipper. Ouais, t'as raison. De flipper. Quand on est en coloc, il faut savoir partager. Partager. Bravo, ouais. Pietre. Ouais. Et puisqu'il faut savoir partager, imaginez, on est là tous. Ouais. On vient d'emménager. Ok. Mon Dieu. Tu vois? Ouais. L'équipe. On vient d'emménager. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Rien. Je le ferai pas. Tu croyais que c'était le public? C'est l'équipe. Oh, merde. C'est comme ça que c'était prévu à la base. Et comme on vient d'emménager, nous n'avons qu'une brosse à dents. Ah, oh, c'est ballot. Et puisque nous n'avons qu'une brosse à dents propre. Oh non! D'accord. Oh si. Puisque nous n'avons qu'une brosse à dents propre et du dentifrice. Tu peux commencer? Nous allons déterminer par tirage au sort de numéro qui, de 1 à 7, qui sera le premier à se brosser les dents et qui sera le dernier et qui seront dans leur futur. Une seule brosse à dents. Oh, c'est très dur. Et voilà. Alors, on a de l'eau. On a une petite. Je peux vomir, moi. Oh. Moi, je peux pas faire ça. Hein. Alors, si nous avons les numéros. Et vous venez tous me tirer un petit numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je joue aussi. Allez, on y va. Ok. Allez, Capu. Moi, je veux pas. Hein. Mais vous, pour l'instant. Vous regardez le numéro. Vous regardez le numéro. Vous ne regardez pas. Personne regarde. Voilà. Vous fermez vos poignets. Ah. On ferme les poignets. Voilà. Voilà. Ah, c'est dégueu. Non, mais moi, je veux pas. J'adore. J'ai très peur. On ferme les poignets, on ferme. Je joue pas. J'en ai pris, non, non, arrêtez. Attends, Julie, je peux même pas voir derrière quelqu'un. Je peux même pas voir. S'il te plaît, joue avec moi. Et il en reste un, pourquoi? Ah, c'est bon. Non, c'est Julie. Ah, c'est Julie. Attention, voici l'ordre de passage de la brosse à dents de la coloc. Oh, putain. Oh, putain. putain. On y va. Je peux commencer. Moi je suis numéro 6. Oh, je suis numéro 6. Number 1. Oh, numéro 2, Capu. L'avant-dernier. 4. Excellent, toi. J'ai le dernier. C'est Julie. Exceptionnel. Je peux pas. Combien? 5. Putain, moi j'ai l'avant-dernier. Ça va, t'es après moi. Non mais je peux pas. Ah ouais. Bon, ah, ouais, moi, mais c'est... Ah, je peux le pas 3. Faire ça. Ça va. Amen. Ah, je suis après toi. Oh non. Oh, non, ouais, bah, maintenant t'es beau gosse, Romain. Donc ouais. Rappelle que même quand j'étais plus gros, j'avais les mêmes dents. C'est bon. On y va. Ça change d'hygiène. Mais il y a du dentifrice. Non mais abuse pas, s'il te plaît. Hygiénique. Oh non. Non mais l'important, c'est la langue. Le problème, c'est que Pierre soit passé en premier. T'as rien bouffé de chelou. Non, surtout moi. Il a bouffé ça. Allez, tu n'es pas une heure non plus. Allez, attention. Le 2. On, hop, c'est on bon, y va. C'est bon, c'est bon, c'est le 2. Le 2, c'est qui? Le 2, c'est. C'est moi. Allez, on y va, vas-y. Ah, je peux pas, s'il te plaît. Je vous jure, je vais remets de la. Mais remets du dentifrice, remets du dentifrice. Il faut trincer les dents. Ah, mais si on remet du dentifrice, ça va. Ah, bah on remet pas de dentifrice. Si, si, si, si. Un petit peu, histoire de pour désinfecter, quoi. Ah, là, une petite goutte, quoi. On y retourne. Allez, le 2. Deuxième coloc. Ah, mais ça me dégoûte. Je peux pas, je vais vomir. Je peux pas. C'est dégueulasse. On a tout fait, mais là, je peux pas. Tiens, mon coé, cadeau. Merci. Comment se fort, là. Tu remets du dentifrice, c'est trop sympa. Voilà, je vais remettre un petit peu de dentifrice. Ça ne vous dérange pas. Personne n'est malade. Dans la poubelle derrière. On peut avoir de l'eau, si vous voulez. À nous, hein. Ah mais moi je peux pas le faire. Parce que moi j'ai une gastro, hein, personnellement. Non. Ah, tu sais comme ici d'après moi. Ouais. Oui. Ah non, mais c'est fais bien entre les dents. Hein. Oh, je veux cracher là-dedans. À la verticale. Ouais. Non, mais moi bon, j'allais vomir vraiment. Non, mais moi, les morceaux dans les molaires. On peut pas faire ça nous les filles, voilà. Franchement. La langue, la langue. Il y a pas d'eau du tout. Ah, non, déconne pas, non sérieux. Non, on veut bien de l'eau. Pas. Capu. Oh là là là là là. La brosse à dents a noirci quand même. Ah, j'ai envie de vomir. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, faut pas poser de questions. Il y en a pas d'eau. C'est tu te démerdes après. Non mais moi je peux pas. Non mais Capu, comment tu peux faire ça? Allez vas-y Capu. Allez faut pas poser de questions. En coloc dimanche 18h. Allez on y va. Allez on se pose pas de questions. On frotte. Allez on y va. Allez on partage la même brosse à dents. Non on y va. Maintenant tu y es. Mais faut pas le manger. C'est des dentifrices. Dentifrice c'est pas dégueu. Très bien, maintenant on continue. Après c'était qui? C'est moi, je peux pas. Julie. Allez, je dois me transformer en Pikachu. Vite. Je m'en fous. Ah bah alors là non. Mais vas-y fort comme un bonhomme. Dégueulasse. Mais tu te surpasses, Julie, tu te surpasses. Les gens sont là, ils envoient des SMS, ils disent ah, les Julie. J'ai envie de vomir. Faut frotter la langue, c'est ça en fait. Ouais. Frotter. Et dès que tu frottes, c'est chimique, t'as de la bave, la salive qui sort. Julie, te pose pas de questions, fonce. Allez, vas-y, t'es une fille. Mais pas trop, non mais pas. Oh là là. Allez, Julie. Je peux pas. Et on veut entendre le bruit. Les gens sont là. Du sopalin, c'est une. Allez, oh, tu nous fais perdre du temps. Et t'as mis des trucs pires que ça dans ta bouche, hein. Excuse-moi. Si ta bouche pouvait parler, elle dirait ouais, bah effectivement. C'est tout. Hein, c'est tout. D'habitude, elle a mis des trucs, c'était plus dur et plus gros que ça. Bon, alors maintenant, t'y vas. Hein. Allez. Vite, dans le fond. Allez, va t'en Guéguette, bonhomme. Mais faut pas y penser. Tu remarqueras, Anthony, que Guéguette a beaucoup de dents, ça va être long. Ouais, regarde. Oh là là, il est tout cœur. Bien, mon Guéguette. Mais quelle horreur, mais comment vous pouvez faire ça aussi facilement? Faut pas y penser. La langue. Oh, je crois que la langue, c'est le pire. Le palais. Ah non. Le palais, c'est pas le pire. L'intérieur des joues. Les amygdales, t'as fait ou pas? Attends, je peux aller jusqu'au petit rototo. Aval. Et nous terminons par Anthony sans H. À vous, jeune homme. Julie a rincé sa bouche avec le verre dans lequel on a craché. Bah oui, elle est con. C'est exceptionnel. Je te jure. C'est fantastique. C'est fantastique. Ah, regardez, Anthony le fait. Bravo, ça s'applaudit, ça. Ça, c'est bien. Voilà, mon pote. Voilà un truc qui est bien. Voilà, coloc. La coloc. Ça, c'est de la coloc. Ça, c'est de la coloc. On est entre nous, on est bien. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, ça va, on s'arrête là. Oui, alors, oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de vomir. Faites beaucoup de bruit, en tout cas, pour Anthony sans âge qui était là, pour Thibaut Dubouche et Capucine Anab. Dimanche, 18h, en coloc. Merci. On regardera, je te promets, on regardera. Merci. Je te fais un bisou. Restez avec nous pour la suite. Moi, je vais me déguiser. Je filme quelque part dans Paris. Ouais. Trace, ouais. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, je fonce. Le public, je vous aime. Merci à vous. À tout de suite. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, va. Bye. septième ciel. Mais le plus important, c'est la septième saison de Coé sur Énergie. Coé, 19h-22h sur Énergie. Sauf Pikachu qui est en route. Scoot, là, non. Et est-ce qu'on l'a en ligne est-ce ou pas là? Est-ce que tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Alors? Ça y est, écoutez, je suis sur mon scooter. Ça y est. Mais t'es pas en Pikachu sur scooter? Bah, tu peux me laisser le temps de partir quand même. Ouais, ça aurait été drôle. Ouais, non, je suis pas en Pikachu parce que ça n'aurait pas été réglementaire. Je n'ai pas la place pour mettre le casque. Mais c'est surtout que tu n'aurais pas pu conduire. Hein. Ouais, ouais, t'aurais rien vu. Alors, par contre, il faudra. Je m'adresse à mes amis de la régie. Oui. Il faudra me dire où je vais quand même exactement. Parce que je. Bah, Loris, t'as pas envoyé l'adresse? Non. Ah, alors. T'es censé te l'envoyer. Ok. C'est pas à l'Arc de Triomphe, c'est dans le quartier. C'est dans le quartier. T'as compris ou pas? C'est dans le. Quartier. Voilà, attention à l'orthographe. Ah, on me dit que tu l'as l'adresse, hein. Je suis en train de me dire que je suis peut-être pas allé au truc le plus rapide là, en fait. Ah, pourquoi? J'ai pris le périph. Parce que j'ai peut-être pas pris le plus rapide. Ah, c'était sur la 13, c'est pas la bonne route. Non. C'est l'adresse que vous m'avez donnée tout à l'heure? Je sais pas, c'est Loris qui te l'a donnée, ouais. Coco, tu l'as par texto? Je l'ai par texto. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah ouais, si c'est bon, attends, bouge pas. Ah d'accord, ok. Ça y est, je l'ai. Il y a un écho. Il y a un écho là. Ça y est, je l'ai. Ah, merci. Voilà mes poulets. Hop, c'est je bon, vais démarrer sur mon super GPS. Je l'ai. Bon, on peut se mettre un disque là. Je voudrais vous dire un truc. Oui. Ouais. J'ai une question à vous poser. Oui. Oui. L'ambiance est pas plus triste depuis que je suis parti? Si. Un peu, franchement. Ah, grave. Si. Les gens ont pleuré. Il y a des gens qui sont. Il y a Stéphanie qui a dit non, je la balance, hein, mais. Ouais, mais c'est Stéphanie dit non. Hein. Non. C'est comme ça. C'est drôle. Bon, alors je suis en train de. Oh là là, c'est incroyable, tout fonctionne. On est à l'heure. J'ai mon GPS qui pour l'instant marche bien. Oui. J'ai mon scooter 4 naissances. Putain, la vie est belle. Hein. Ouais, grave. La vie est belle, hein. Je vous assure, je suis en train de. Non, pour l'instant, tout va bien. Il te dit combien de temps ton GPS? Quelque part, comment? Il t'indique combien de temps le GPS là pour y arriver? Il m'indique 7 minutes. D'accord. Bon, bah le temps. Je vais l'enlever pas. Non, mais non, on va. On ah, se les met, amis, excusez-moi, vous avez vu où c'est? Je peux pas non plus téléporter. Mais oui, je sais bien, mais on va mettre 21 Pilates. Allez. En attendant. Oh, déjà. Vous avez pas autre chose? Non, bah non. C'est vachement bien. Tu vas écouter ça sur ton scooter. Il y a des gens qui passent sur un bateau là en train de faire la fête et tout. Il fait beau, il y en a qui ont de la chance. Tu m'étonnes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. I just wanna stay in the sun where I find. It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. To say we have a list of people that we would take, a bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room, but they don't seem to see many bullets coming through, see many bullets coming through. Metaphorically I'm the man, but literally I don't know what I do. I'd live for you and that's hard to do, even harder to say when you know it's not true, even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions they're falling like, who would you live for, who would you die for, and would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride.

Attendez, bougez pas. Hop. Donc je mets le pantalon. Ah, ouais. Donc, tu veux qu'on te mette le générique pour te mettre en condition ou pas? Tu sais quoi? On dirait un mec de capoeira. On a l'impression que je fais de la capoeira ou que je me suis levé, on est dimanche matin, je suis en jogging. Ah d'accord. Alors, et maintenant? Oh non. Quoi? Oh putain. Qu'il y a? Dis-nous, dis-nous. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ils viennent de me mettre en Pikachu, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, attends, tu te rends compte que c'est ridicule. On te met le générique, comme ça tu te sentiras bien dans la peau de Pikachu. Voilà, bon, t'es prêt? Est-ce que quelqu'un veut me faire je vois rien du tout, les gars. Veut me faire quoi? Les fesses? Ça fait flipper. Non, ça va pas. Alors, je suis donc. Ça peut être un fantasme. Maintenant, Loris, je ne sais pas ce que je dois dire et ce que je ne peux pas dire. Alors, en fait, il faudrait qu'on remonte dans le van, là. Ouais, on remonte dans le van. Et il va nous déposer pile à l'endroit. Et on remonte dans le van et il va nous déposer pile à l'endroit. Il faut que je remonte dans le van comme ça. Pikachu, il va prendre la voiture. Donc, il va vous... c'est là qu'il va vous déposer dans le quartier. Qui est où? Ouais. Avenue des Champs-Élysées? Ah pardon, fallait pas le dire. Bah, c'est un indice super gros que je dis depuis tout à l'heure, mais voilà. Je peux pas rentrer. Devant le magasin quartier. Il rentre pas dans la voiture. Allez tous sur les Champs-Élysées devant le magasin quartier. T'es bloqué quoi? Tu peux pas rentrer en voiture? Ok, je peux pas rentrer dans le camion. Mais t'es sérieux? C'est con d'avoir fait régime tout l'été et d'être bloqué pour pas rentrer dans un camion. C'est clair. T'as les fesses bloquées vraiment? Tu t'es vautré. Alors imagine si tu cours. C'est vautré dans le camion. Mais il faut dire que le costume il est énorme. Ouais, c'est un gros truc, c'est la vraie mascotte en mousse. Hein. On ne sortira jamais. Je suis les quatre pattes en l'air dans le camion. Je suis vautré à l'arrière, je suis bloqué dans le siège. En attendant, putain, allez, le Pikachu, il prend, sans déconner. En haut. En haut. On y va. Ah donc, ils vont me déposer alors. Ah ouais, on va te déposer, ouais. Il fait une chaleur, les mecs, là-dedans. Je deviens ouf. Ça va, sinon, dans le studio? Bah écoute, ouais, nous, ça va, on est bien, on n'a pas trop chaud, hein. Non, mais qu'est-ce qu'on attend pour avancer? On va y aller. Ah, on décolle, hein, ouais, okay. Voilà. Ah, je me disais, merde, j'étais pas bien mis les mains dans les trous. Logiquement, mais... vous allez à une rue de là où vous êtes, non? Ouais, vous êtes de l'autre, vous êtes de l'autre côté, là. De l'autre côté du rond-point. Alors voilà, donc je suis actuellement dans une position indélicate. Je ne vous le cache pas. Puisque Loris fait des photos, hein. Oui, j'en fais là. Si tu veux. Il fait des selfies avec Pikachu. Ah bah Sacha a retrouvé Pikachu. Oh putain, donc dans un instant, j'aurai. J'ai quoi? J'ai deux PS4. Ouais. Ah oui, putain, les deux PS4. J'ai deux PS4 que je vais vous offrir si jamais vous m'attrapez. Donc c'est les deux premiers qui t'attrapent, hein. On est d'accord. Ouais, mais ouais. Vu le temps que t'as mis à rentrer dans le camion et le temps que tu vas mettre à sortir du camion, ils vont te choper à la sortie du camion, quoi. Je pense qu'il y a un moment, ça va galérer, là. Et je peux te donner un conseil? Oui. Ne pète pas dans ton costume. Je suis en train de me dire exactement la même chose. C'est assez rigolo que nous ayons cet esprit d'analyse. Ah ouais. Arrête, ah putain, il y a un ventilo, il y a un truc pour faire de l'air. Ah bon? Dans le costume? Mais dans le costume, je sais. Bah pour que tu restes gros. Enfin. Ah mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça, c'est pour pas mourir, je pense. Ah ouais, c'est bien. Ah, tu crois que c'est pour respirer? Ah bah oui, mais je crois que j'ai perdu la boîte surtout. Il y avait une boîte qui pendouillait, elle est partie. Vous l'avez récupérée la boîte, l'équipe? J'espère, parce qu'il y a une grosse caution sur le. Ouais. Sur le déguisement là. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je suis toujours en Pikachu. Je vous cache pas qu'il fait 200 degrés en dessous. Ouais. Mais il faut souffrir pour être un Pokémon. Ouais, excusez-moi, mais pour aller de l'autre côté de la rue en voiture, on met autant de temps? Et est-ce que Loris s'est fait suivre ou pas? Loris quoi? Est-ce qu'il s'est fait suivre? Est-ce qu'il a réussi? Loris, est-ce que tu t'es fait suivre ou t'as réussi à... Bon, là on va... Oh putain, ça se coud, merde. Je vois rien à la route, je vais vomir dans le costume, les gars. ça va être terrible. Hein. Vous avez au moins 50 mètres à faire. Hein. Tu veux qu'on mette un disque? Un disque, c'est peut-être, ça sert à rien. Hein. Je pense que c'est un événement BFM télé, ce qui se passe, les amis. Là. Mais est-ce que tu vois les caméras de BFM TV d'ailleurs? Il vient de rentrer une caméra dans ma bouche. Enlève ta caméra. Oh là, j'ai mal au dos, je sais pas comment me mettre. Ça fait deux minutes que t'es dedans. Mais oui, on a l'impression que t'as fait 3 heures de route. Qui font des pubs, qui restent des journées entières là-dedans. Ça repart le top. Là, mais il meurt, hein. Il échange au fur et à mesure, vous pouvez pas le voir parce qu'on voit pas leur tête. Mais je suis sûr, oh là là là, putain, il fait chaud, la vache. Ah, t'as pété. J'ai l'impression d'être dans un sauna. On arrive dans combien de temps? 20 secondes, on me dit. 20 secondes, allez donc. 20 secondes. Et les gens, ils doivent me faire un câlin s'ils m'attrapent, ils font quoi? Ouais, ils te défoncer avec des grosses boules. Il te lance des pokéballs de bowling. Des pokéballs de bowling, ouais. Ah, donc on va essayer de sortir de là. Ça y est, c'est bon, là, je sens qu'on s'arrête. Voilà. Je sens qu'on est en train de s'arrêter. Donc, est-ce qu'on peut dire où vous êtes? Ou ça sert à rien maintenant, c'est trop tard? Laurie, oui. Est-ce qu'il faut qu'on dise où on est ou pas du tout? On peut le dire là, les gars, vous sortez. Julie, tu l'as dit. Hein. Ouais, devant le magasin quartier, en haut des Champs-Élysées. On va Paris 8e. On va s'arrêter en fait en haut des Champs-Élysées. En haut des Champs-Élysées, elle vient de le dire, Julie, là-bas. Et l'autre, il répète. Précisément devant la boutique. Oui, c'est exactement ce qu'elle vient de dire, Laurie. Merci. Merci, Laurie, c'était brillant. T'as l'air l'indice lourd. Est-ce que je pourrais descendre de ce camion, s'il vous plaît? On va d'abord récupérer les PS4. Alors, on va récupérer les PS4. Ah là, mais c'est tout un cheminement là. Non, mais les amis, je peux pas marcher sur le costume et porter des PS4 en même temps, hein, je peux pas tout faire. Hein. Pikachu le fait, mais Pikachu il fait des trucs aussi. En même temps, t'es en train de louper de la casse dans le studio. Ah oui, quand tu sors, Coco, tu parles en Pikachu. Hein. Il parle comme ça, Pikachu? Ouais, il y a une petite voix. Pika, l'autre, mais Pika, je crois Pika, que Pika. Pika, Pika. Là, c'est Gollum. Ouais, c'est Gollum. Oh, écoutez, ça va, j'ai le droit de faire Pikachu. Ouais. Il y a pas mal de gens à côté du van. Alors, on me dit qu'il y a des gens à côté du camion. Ah. Ouais. C'est peut-être des touristes chinois qui viennent faire des photos. Attends. Alors, en même temps, ils doivent voir un Pikachu mort à l'arrière du camion. Ils sont tristes. Ces mecs, ils doivent se dire, Pikachu, il est mort. Mais les gars, Loris, toi qui es avec Koé, sors d'abord et fais un peu la sécu. Là, c'est chaud, je vois des gens qui attendent. Donc, ah, mais ils vont être ceux qui vont te sortir du camion, en fait. Mais vu la position que t'as. Tu dis à la foule de laisser sortir Koé d'abord. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute quoi? Attends, il y a des gens qui. Attends, on va sortir. On m'a dit. Ah, on dirait qu'il est criada dans la voiture. Vous me faites commencer à me faire flipper avec vos conneries. Il y a 30 personnes qui t'attendent. Il me dit, il y a 30 personnes qui m'attendent, je veux plus sortir. J'ai l'impression d'être un One Direction. Ouais, c'est ça. 30 personnes, je suis pas sûr. Eh mais ils me font flipper, ces cons. Mais pourquoi? Il dit quoi? Attends, je sais pas. Attends, Coco, on m'a dit. Il faut que je pousse les gens, il a dit. Mais attends, service de sécu là, c'est Pikachu. Mais il y a des gens autour du van, c'est bon, t'as ouvert la porte. Attends, il y a déjà les gens là. Il y a déjà les gens, je sais pas ce qui se passe. Mais tu les vois ou pas? Parce qu'il dit, il y a déjà les gens. Mais moi, c'est que je peux pas sortir. Tu vois rien. Je peux pas sortir du van. Il y a des gens partout autour du camion, je peux pas sortir. Mais non, c'est pas vrai. Je suis bloqué à mort à l'arrière. C'est drôle. Attendez. Le mec, il veut plus bouger. Allez, viens. Attends. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cassé la gueule. En fait, il fait que se casser la gueule. Le Pikachu en bois. C'est ça. Ah, c'est mort. Il est mort de rire. Vous allez devoir offrir 30 PS. Ah ouais, bah là, oui. Attendez, j'essaie de sortir. Si tu sors, casse-toi en courant. Attends. Enfin, si t'arrives à te lever, ouais. Je suis coincé là, mon pote. Je crois qu'il bougera pas du van en fait, hein. Il va rester dedans. Mais au pire, faites rentrer les gens, sinon ce sera plus simple qu'il lui saute dessus. Hein. Attends, on va y arriver. Attends. Allez, pousse. Je galère, je suis coincé à mort. Je sais pas ce qui se passe, mais ils sont morts de rire. Je suis coincé comme ça. Il est mort de rire. Ah, ma tête. Attendez. Ça y est, t'es sorti ou pas? Non. Oh, Guillaume, désolé, on arrive. Pikachu est bloqué dans un van. Ouais, c'est ça. Guillaume, ce qui se passe, c'est une affaire nationale. Je suis bloqué. Pikachu est bloqué dans un van. Je ne veux pas sortir. Attention. Mais t'es toujours pas sorti. Reprenez ma main. Attention, retire. 1, 2, 3. Allez. Il est mort de rire. Il est mort de rire. C'est bon? Non. Ça y est, ça va devenir bon. Ça y est, mais arrête de rire, bon. Sinon tu n'arriveras pas à sortir. Allez, ça y est. Attends. Loris, il compte. Allez, un. Attends. Je sais plus. Attends. Ah, t'as croyé des mecs qui m'accrochent? On est encore là à 3h du mat. Il y a des gens qui m'ont accroché. Ah bah oui. Ah bah ça y est, il s'est fait choper. Kimberley. Mais t'es sorti là ou pas du van? Kimberley, Hammer. C'était dur de t'attraper. Mes amis, c'est là-dessus que je vais vous embrasser. Mais t'es sorti du van ou pas? Mais je suis sorti du van, il y a du monde partout. Ah, c'est bien. Il y en a deux qui m'ont accroché directement. En voiture, moi. Ouais. Oh, c'est énorme, elle s'appelle Kimberley, la demoiselle. Ah. Je redescends les chances de viser en courant. Vas-y, barre-toi. Oh, bisous, à demain. Bisous, à demain. On se retrouve avec Nash. Bisous, je t'embrasse. Au revoir, à demain. Salut Guillaume. Bonne soirée. Salut Guillaume. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Quand 2 heures valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du dimanche au jeudi sur Énergie. À partir de 22h sur Énergie. Bonne soirée les mecs, il est 22h03. Hein. Guillaume Radio 2.0, on se retrouve sur Énergie. J'espère que vous avez passé une bonne journée tout le monde. On se retrouve du coup pour passer la petite soirée ensemble. Hier, on l'avait promis, JM du Standard devait faire une blague à 22h09. Il avait une journée pour la chercher et apparemment, il en a trouvé une. Ça va, JM du Standard? Salut, gars, moi ça va au taquet. Tu allez bien? Ah ouais, franchement, je pense que ouais. J'ai essayé sur plusieurs personnes, vraiment. On va voir. Tu l'as essayé sur plusieurs personnes? Ouais, obligé. Il a fait un panel et tout, le mec. Un panel. Je vais faire toute la radio. Ah ouais? Ah, véridique, quoi. Je vais voir le mec de sécu tout à l'heure et tout. Ah, c'est vrai, ah ouais. Bah, très bien. Si c'est le mec de sécu à rigoler, c'est un gage. Hein. Non, c'est un bon public. Ah, c'est un bon public, ouais. Parce qu'il y en a plusieurs, ouais. Plus ou moins facile à faire rire. Il y en a sur deux qui n'ont pas rigolé. C'est vrai? Ah merde. Ça va, JM Stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume. T'as entendu la blague ou pas encore? Ah non, pas du tout, j'ai hâte de l'entendre. Hashtag la blague de JM, vous pouvez la mettre sur Twitter et on va voir un peu ce que c'est. Ça va, Julia, t'es en forme? Au top, Guillaume. Tu l'as entendu la blague de JM ou pas non plus? Oui, j'ai entendu. Ah, et alors? Il y a du gros niveau ce soir. Non, c'est vrai? Oh, ah ouais, je te jure. Et t'as fait rire ou pas? Ouais, non, franchement, ouais. Non, mais la survend pas, c'est ouais, la merde. Attention, la merde. Non, non, franchement, c'était cool. Ça va, Flo, des cadeaux aussi, salut, tranquille. Guillaume. Ouais, tranquille. Ça va, la journée et tout, ouais. J'ai entendu des bouts de la blague de JM, mais j'ai pas tout entendu. T'as entendu des bouts? Ouais, des bouts. J'ai vu qu'il le faisait à tout le monde. Et très bien, merci. Merci beaucoup, Flo, des cadeaux. De rien. Alors, attends, juste, bon, 22h04, si vous voulez passer avec nous, vous êtes à la maison, hein, comme d'habitude. On se fera Soprano, on se fera Snake aussi avec Bieber. La blague à JM, voilà, ah. C'est parce que JM du Standard ne dit pas 2 mais A. Ouais. C'est un truc A machin, donc ouais. Mettez la blague à JM, voilà, hashtag la blague à JM. Ah ouais. On dit pas une crotte année, voilà. Je sais, Sarah, mais c'est justement c'est parce que c'est JM du Standard qui dit comme ça. Voilà. Et moi je me fais engueuler, tu vois, parce que j'écris comme toi, tu parles, JM du Standard, voilà. Qui vont pas comprendre la blague, du coup, les 500 000 followers vont pas comprendre. Bon, Guillaume et votre texto aussi, sans se doute, si vous voulez balancer un petit message pour passer avec nous à l'antenne, vous êtes à la maison. 22h minuit, là, ce soir, et puis. 22h09, la blague de GM. Il y aura notre nouveau jeu, casting de télé-réalité à faire aussi avant la fin de l'émission. Ça, c'est énorme. On sera passé pour des casteurs de télé-réalité. On a mis des petites annonces. On a eu plein de réponses. On va les appeler. C'est parce que j'ai les petites annonces dans les mains. Enfin, j'ai les petites annonces. J'ai les réponses dans les mains. Et il y a des jolies filles en plus. Ouais, hein. C'est ouf. Bah, c'est oh le principe. Là, putain, la télé-réalité, quoi, c'est hallucinant. Quoi. Ça, c'était belle, tu réussis. Donc, on a fait croire, genre, nouvelle télé-réalité, recherche candidat pour la rentrée, machin. Veuillez envoyer votre CV avec photo et tout. Et. Alors c'est assez marrant parce que du coup bah il y a plein de personnes qui ont répondu, il y a des mecs, il y a des filles. On va les appeler après du coup, voilà, on est en train de les noter, on va faire notre nouveau jeu ce soir. Alors 22h09, la blague de JM du Standard. Ouais, dans 3 minutes. Hashtag la blague à JM, mais ouais. Avant, il y a Alexandre qui est là de Suisse. Bonsoir Alex, tu m'entends pas? Bonsoir Guillaume, bonsoir toute l'équipe. Bah, bonsoir. Salut Alex. Ça va quoi? Ça va bien. T'es déjà passé à la radio ou jamais toi Alex? Oui, oui, déjà, oui. Déjà? Mais en Suisse. Oui. T'es passé sur quelle radio en Suisse? RTS. RTS, très bien. Oui. Eh ben oui. Vas-y. Eh ben, dédicace à RTS et à tous les collègues suisses, alors. Bisous la Suisse. Mais oui, on est beaucoup à vous écouter, en tout cas. Eh ben, c'est super gentil. Merci, ouais. Moi, Alex. Hein. Dédicace à tous les. T'as 25 ans, toi, c'est ça, Alex hein? Oui, 25 ans, oui. J'habite Lausanne. Ouais. Et je voulais, oui, vous parler d'un sujet, l'obésité, la maladie. Ouais. Parce que je me dis, on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que j'aimerais bien témoigner en me disant, bah, si je peux aider d'autres personnes qui étaient dans mon cas, c'est le but. Ah ouais, d'accord. Putain, on a pris 20 ans. On va faire un témoignage, là. c'est là, parce qu'en fait, t'es passé dans 7 à 8, hein, c'est ça. J'ai vu ton reportage par Thierry de Mézières. C'est vrai? Ah ouais? À la fin de l'émission, là, en son, là. Pourquoi on le met pas en son, là? Avec Harry Roselmack. Bah ouais, attends. C'est stylé dimanche soir là. Putain, Guillaume du Standard, qu'est-ce que tu branles? Tu travailles pas je sais pas, Guillaume. Si. Attends, typiquement, on a le mec qui passait sur 7 à 8. Bah ouais. La voix est magnifique en plus. J'adore ça. Le mec qui fait la voix off et tout. Il a une voix douce. Il a une voix douce. Avec la musique. Mielleuse un peu. Et voilà, donc on va mettre. Il faut taper Alexandre. C'était quand 4, moins, attends, non, même sur YouTube, ça y est, non? Sur les replays de TF1, Pierre? Je sais pas du tout. Non, mais sur les replays de TF1, c'est la merde. Ça dépend quand c'était. Ouais. Alexandre, attends, c'est Alexandre a perdu 4. Mais Alexandre. Alexandre, David. Mais, je crois. Non, ton nom, t'inquiète. Normalement, tu tapes juste ça et puis c'est bon. Ah putain, ouais. Merde, attends. Alexandre perd. Putain, j'ai plus internet en fait. Ah bah, moi non plus. Ah bah non. Alors là, putain, la misère. Alors là, sur les plus vieux CD. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a la blague à JS. Ah. Sujet, on pourrait faire les galères, les veilles de rentrée. J'ai un truc pas mal qui m'est arrivé avec plaisir. Très heureux de t'écouter encore une année. Gros bisous de Thomas Frappier, ton plus grand fan. Salut Thomas Frappier. Salut Thomas. Salut mec. Hey l'équipe, encore une soirée géniale à passer avec vous. Je vous adore. Continuez comme ça. Cette journée a été la pire de ma vie. J'ai redoublé. Aïe. Je redouble et j'ai eu tout ce que je redoutais. Une classe pourrie, des profs nuls, un emploi du temps nul. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Heureusement que vous êtes là pour remonter le moral. Bonsoir Enzo du 6-4. Sur moi, c'est Enzo là. Ouais, bon courage. Eh ben bon courage. Hein, si vous avez une journée de merde aussi, on est là pour passer la fin de journée. En tout cas, reste 2 heures. Donc, par contre, ce serait bien qu'on pas une heure à remettre internet hein, si on est avec 2 heures. Ouais. Ça bug trop là. Ça marche ou pas, Gestagia? Bah chez moi, non. Alexandre, non. Ah ça y est, moi ça marche. Revenu. Ah bah, attends. Alexandre a perdu 95 kilos ah ouais. En un an. Ça, oui. Il nous donne sa méthode. Voilà. Oui. Exactement. T'as perdu, comment tu t'es fait opérer comme le mec de Camping Paradis là? Bah non, justement pas. J'ai pas fait d'opération, pas du tout pour perdre du poids. Non, j'ai décidé tout seul finalement de perdre ce poids. Putain, c'est bien. La volonté. Oui, bah c'est ce qu'on me dit. Mais sur le moment, moi, je m'étais dit, j'ai pas besoin d'autres personnes pour essayer. Je me suis dit, je vais pas avoir besoin d'une opération. Je voulais perdre 40 kilos une année, et finalement, non, j'ai perdu très vite. Je pense 25 ans, homme jeune, ça aide pas mal. Mais j'ai perdu très vite en fait. C'est ouf. Un an, 95 kilos. Ouais. Franchement, en sachant qu'un homme chie 100 kilos de merde par an. Mais non. Toi, t'as perdu 95 kilos. Non, mais attends, 100 kilos de merde. Chie de la gueule, quoi. Ouais, en vrai, c'est un truc de ouf. Attendez, il est 22h09. Oui. Juste une petite pause, 10 secondes pour Alexandre. Et après, on va écouter. Putain, ça y est, j'ai ton reportage. Je vais vous le faire écouter en 2 secondes. Mais d'abord, JM du Standard. Apparemment, il avait la blague. Allez. Hashtag la blague à JM. Ce soir, on va voir un petit peu. Je vois que vous mettez tout ça. Ah, merci tout le monde. C'est pas la blague de JM, hein, c'est la blague à JM. La blague à JM, ouais. Voilà, la blague à JM, on va voir. Et de temps en temps, on en fera des petites blagues à JM. Ah, avec plaisir, Guillaume. J'ai retrouvé. Attends, ils ont enlevé le câble pour le mettre sur le Mac. Je crois qu'il est de l'autre côté. Là. Ah ouais, ouais. Alors attrape-le moi. Attends. Tout seul. Ouais, même moi, je ne voudrais plus y aller. Comme ça, on va mettre le truc. Allez, vas-y, en tout cas, on y va. C'est parti. D'ailleurs, vous allez pouvoir donner une note à JM. Ah, bah oui, s'il vous plaît. Juste pour rigoler, mais vous pouvez envoyer Guillaume et une note sur 20 au 6-11-12. Je vais les lire à l'antenne avec plaisir. On verra si c'est bien ou pas, du coup. Je vais déjà me passer le câble. Ouais, je lui ai demandé d'aller doucement parce qu'il a tout arraché. Mais il ne trouvait pas le câble. Si, il était derrière, mais voilà. Il allait un peu fort. Bon, bah très bien. En tout cas, ça marche. Voilà, je vais pouvoir vous faire écouter le reportage de 7 à 8 dans lequel t'es passé hein, pour tes 95 kilos perdus en un an. C'est un truc de fou quand même en un an. Quoi. Ah, c'est énorme. Ouais, Putain, c'est comme si tu chies de la graisse. C'est un truc de fou, quoi, vraiment. Attends, je vais voir si ça marche. Avec l'obésité, on est. Ah ouais. Putain, c'est ça. Attends, deux, trois fois. Vous êtes un obèse. Attends. On me l'a dit deux, trois fois. Il y a pas la voix de Thierry de Mézières. Oui. Non, là, c'est vrai, on n'entend pas. Il parle au début. C'est quand même un soulagement pour moi. Peut-être que les mecs, ils ont coupé quand il fallait que je perde du poids. Ah ouais, ils ont coupé quand ils parlent, en fait. Maigrir, anneau gastrique, chose comme ça. Vous allez maigrir avec votre simple volonté. Oui. C'est un défi que je me fais. Ah, c'est énorme, putain, on va en parler dans la classe. Attends, JM du Standard. Ouais, Guillaume. On y va pour ta blague, la blague à JM. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. 3, 2, 1, on t'écoute. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Attends. Je vais arrêter la sur 20, Guillaume. Attends, toi, tu l'estimes à combien sur 20? Si tu devais toi-même la noter. Franchement, moi, mec, il me raconte comme ça. Si t'étais en Corée du Nord et que tu avais auto-noté, vraiment, c'était vraiment. Tu t'auto-juges, quoi. Un mec, il me raconte comme ça, vraiment une 18. C'est vrai? Oh, attention, mec. c'est l'année avec une prof raciste et hypocrite, c'est génial. Salut Johanna du 7-8, salut Johanna. Putain, j'étais pas écouté depuis longtemps, tu me manques trop. Salut gros, salut Martien. Salut. Salut Jérémy de Lyon, salut Guillaume. Dédicace à Dimitri, Evan et à Joe, continuez comme ça. Dédicace, c'est ma rentrée. Ah, et au fait, on a appris qu'en fait, on est là demain soir aussi. Ouais, le vendredi. En fait, on fait du lundi au vendredi cette année. On a un peu découvert la grille. On a un peu découvert tout à l'heure qu'on était là demain, donc on est trop content. Ouais. Et donc voilà, ça va être demain, du lundi au vendredi, 22h minuit. Voilà, comme ça, on est là le vendredi. Vous étiez nombreux à nous demander d'être là le vendredi. C'est vrai, ouais. Et c'est fait, alors, il y en a qui vont nous engueuler parce qu'on n'est pas là dimanche, mais on a le droit de faire 6 jours par semaine. Mais peut-être pour voir, pour faire un petit best-of, on va se démerder. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est 22h minuit du lundi au vendredi. Et comme ça, c'est pas compliqué. Ouais. Lundi, vendredi, 22h minuit. En plus, ça arrive. Merci, JM. Ça commence la blague. C'était ça la blague. Vrai, c'est nul, demain c'est la rentrée. Voilà. Salut, je sais qu'il y a la grosse partie de la France qui rentre demain en cours. Là. Bon courage les mecs. Deux ogres se baladent et voient une école. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah voilà le restaurant, merci à toi. Tu me fais rêver tous les soirs, je t'aime Guillaume, gros bisous. Guillaume et votre texto, hein, les gars, au 6-11-12, vous commencez par Guillaume et le message. Donc du coup, JM du standard, ta blague, on t'écoute. Ok, alors en fait, c'est l'histoire de mec qui est complètement bourré, qui rentre dans un bar, tu vois. Il arrive au barman et il demande un whisky s'il vous plaît. Et le mec il regarde, il dit non monsieur, vu votre tête, vous avez déjà pas mal bu, donc on vous servira pas de whisky, rentrez chez vous. Le mec il sort du bar, il rentre par la porte de côté, tu vois, en se cachant un peu avec sa main. Il regarde le barman, il fait un whisky s'il vous plaît. Et là le barman il fait monsieur, je vous ai reconnu, vous avez trop bu, rentrez chez vous avant que je vous fasse sortir de force. Alors le mec il ressort du bar, il rentre par une autre porte, il remet un peu sa chemise, il met une veste par-dessus, il demande au barman, il fait un whisky s'il vous plaît. Alors le barman il fait monsieur, ça fait deux fois que vous venez, je vais appeler la police. Alors le mec il part dégoûté, il rentre dans le même bar par la porte de derrière. Et là il regarde le barman, il fait t'es mais c'est pas possible, tu travailles dans combien de bars toi? Parce qu'il est bourré. Mais si, il croit que c'est un autre bar. Eh oui, c'est pour ça, à chaque fois qu'il change de bar. Ouais, j'ai compris quoi. Ça vaut pas 18 sur 20. Ah, on est d'accord. Ah, non. Franchement, putain, j'étais prêt à tout et j'avais le doigt sur le bouton. La tête que t'as fait. Mais je me suis dit, je me suis dit. Il est resté pas sérieux. Non, ah non, je suis allé bien. C'est pas notre journée, écoute. Oh, hein, elle vaut 1, sa blague vraiment. Non, c'est pas vrai, elle est trop bien. Non, c'est un scandale, franchement. Non, mais là, tu nous as escroqué. Ah non. Ça fait 24 heures que j'attends cette blague. Ah ben Guillaume, tu l'as travaillé. J'ai commencé l'émission avec la blague de JM. Ah ouais, je suis et on se retrouve avec une merde pareille. Non, elle est pas énorme. Non. Je suis désolé, je laisse agir. Une note sur 20, franchement. Ça, et Guillaume et la note sur 20 aussi, 11-12, allez-y. Guillaume, un espace, il faut marquer un